Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, 23h30, mais on va essayer de faire 23h là pour une fois quand même. Ça peut être bien, je 22h30. Après la demi-heure. Je ne suis vraiment pas contre, hein, vu. Mais oui, c'est pour ça, oui, ça peut être une bonne idée. Non, mais c'est vrai qu'on est en train de suer pour tout le monde là pour faire plaisir aux gens, c'est quand même extraordinaire. Hein. Je sais ce que vit un oignon sur une poêle. Ouais. Bah, c'est pas cool, c'est ça. Ce soir, on ne va pas vous faire suer, les auditeurs, c'est nous qui suons. Oui, puis ce soir, oui, on va parler en plus d'un sujet un petit peu sérieux avec les addictions quand même. Oui, donc les addictions, comment est-ce que ça? Moi je suis addict, hein, vous allez voir, je suis addict. T'es addict? Ouais. Je suis addict. Ça c'est la drogue, ça. Ça s'entend, ouais. Je m'en doutais. Ça explique certaines choses, Daniel. C'est ma drogue à moi, et puis là je ne l'ai plus, là je suis à la radio, je ne l'ai plus. Ah. Alors, tu veux aller faire un tour dehors pour te calmer un petit peu en entendant, non? Bon, on va faire comme si j'avais fait le tour déjà. Tiens, d'accord. Parce que j'ai pas envie de me lever, il fait trop chaud. Moi, je pense que si on fait cette émission dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, c'est qu'on est un peu addict quand même. À ce qu'on fait. On a une dépendance affective à une des stars. Je pense qu'on peut commencer par une petite définition d'addiction. Thierry, si je me rappelle bien, tout à l'heure, tu as dit que tu avais une bonne définition d'addiction. Enfin, une définition. Alors, moi, j'en ai une que je sortirai plus tard, parce que c'est par rapport aux fans. En fait, quand est-ce que un fan, en fait, au début, il peut avoir quelque chose de très positif, d'admirer, ça le fait avancer, etc. Et quand est-ce que ça tourne au sens négatif? Donc, je le garde pour plus tard. Ah, moi, d'accord. Je sais. Mais par contre, la dépendance affective, hein, quand on ne peut plus se passer de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais quoi, qu'on est vraiment dépendant de manière physique ou affective, et oui, c'est là que l'addiction devient problématique. C'est vrai. Alors, oui. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une petite définition. J'ai fait des petites recherches, tout ça. Petit temps. C'est bien, t'as travaillé. Oh là, t'as fait l'intello ? Oui, il a travaillé dessus. Après, tout reste à un fou. Une addiction, c'est quand ça commence à devenir négatif. C'est, au début, ça peut commencer comme une passion ou un plaisir, un hobby. Hein. Je sais pas, les gens qui fument des joints, par exemple. Prenons le pire. Fume des joints, quand tu en fumes beaucoup trop et que tu t'en passes plus après, et que ça a un impact sur toi, sur ton physique ou ton mental, ça commence à devenir une addiction. Je tiens à préciser, parce qu'on est obligé de le dire, ne fumez pas, ne vous droguez pas, ne buvez pas, on va en parler un petit peu, mais je le rappelle pour tout le monde au départ. Non, mais on est obligé de le faire. On est obligé, quand même. Ouais. Sinon... Sinon, il y a notre président, là, il va nous taper sur les doigts parce qu'on ne l'a pas fait. Alors, en tout cas, il ne faut pas banaliser quelque soit la consommation de substances. On ne doit pas la banaliser. Voilà, pas dire oui, un petit peu, mais c'est bien. Enfin, la radio, faut pas. Non, voilà. Après, chacun voit, mais je pense qu'effectivement, les gens qui, une fois qu'ils réalisent qu'ils sont addicts, c'est trop tard. Et en fait, souvent, ça a commencé. Ça a des conséquences. Ouais, c'est pas un petit joint de temps en temps. Ouais, vas-y, essaye. Et le jour où tu réalises, tu peux plus t'en passer, tu fais quoi? Ouais, c'est comme le verre d'alcool. Ouais, je vais en prendre. Tu fais quoi? Tu appelles les numéros spécialisés qu'il y a sur Internet. Hein, vous cherchez, je sais pas, addictologue ou n'importe quoi. Quelque chose. Numéro d'addiction. Enfin, numéro de bureau, je sais pas. Non, oui. Il y a des trucs comme tabac, faux service. Il y a des infrastructures mises en place ça. Pour ça, pour vous aider. Si vous êtes dépendant, si vous connaissez quelqu'un dépendant ou genre de trucs, vous pouvez en tout cas aller sur internet rechercher des numéros spécialisés. N'appelez pas Indestar en tout cas au 09 70 407 306. Enfin, on n'est pas spécialisé. Si, vous pouvez l'appeler, mais pas pour ça. Exact. Non. Voilà, si vous avez envie de parler de votre addiction, ça peut être marrant. Si vous avez une addiction fun, si vous avez une addiction moins fun, n'importe quoi ce qui concerne le sujet de ce soir. Allez-y. Oui, parce qu'on va être un plaisir. On va peut-être créer des surprises avec les addictions, finalement, avec les sujets d'addiction. Tiens, vu que t'en parles, Daniel, tu vas nous parler de quelle addiction? Ah, ce soir? Oui, ce soir. Oui. Alors, moi, j'ai pris un exemple que j'aime beaucoup. Il s'appelle Tony Stark, qui est peut-être quelque part un petit peu près de moi, finalement, et très, très addict, proche de moi, je veux dire, sur certains... Alors, je ne suis pas aussi riche, par contre. Hein, là. J'allais dire, il n'y a pas la même richesse. Croyez-moi que ça, je le regrette, franchement. J'aimerais bien être plus proche de ça. Sinon, j'aurais peut-être payé un studio à Indestar, dis donc. C'est le designer, c'est ça? C'est dans le Marvel Universe. C'est Iron Man. Voilà. J'ai pas l'armure non plus, d'ailleurs. Hein. Non. t'as pas grand chose. Mais je, t'as ni la barbe. Ouais, t'as pas grand chose. Ah, j'ai pas la barbe non plus. Ni la meuf. J'ai dit la maison. Ah oui, c'est vrai que Pepper Potts, je l'aime bien. Hein. C'est sûr que Gwyneth Paltrow. Ah ouais. En plus, en tant qu'actrice, déjà, j'aime bien. En tant que personne aussi, en tant que tout. Voilà. En tant que tout, ouais, c'est ça. Voilà. Qui ça va plus vite. Alors, je peux passer une annonce quand même. Vas-y, oui. Je recherche une Gwyneth. Robert Downey Jr., ouais. Si tu arrêtes le rôle de, d'Iron Man, pense à moi, j'aimerais bien faire un petit film avec Gwyneth Paltrow quand même. Surtout que j'ai une expérience en cinéma, je vous l'ai expliqué. Hein, j'ai fait 15 secondes dans un court-métrage. Hein. Oui, mais tu ne fais toujours tout un cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais. Spoiler, il est mort à la fin d'Endgame. Ouais. Bon, totalement. Non, mais ça ressuscite, va, t'inquiète pas, les super-héros. De toute façon, alors, non, Robert Bébert, donc, du coup. Voilà. Tu dis que t'es comme Iron Man, donc ça veut dire que tu as certaines addictions. Voilà. Allez, vas-y, balance. C'est le moment. Est-ce que t'as des addictions? Oui, mais on en parlera tout à l'heure. On en parle un peu après. Ouais. Okay, on avait convenu d'en parler tout à l'heure. Mais oui. Okay. Ça y est, non, mais tu vous vas inquiétez. Trop vite, non, mais c'est la chaleur, ça ira mouler le cerveau. Je suis d'accord pour que t'ailles vite. Mais va pas trop vite. Non, non, mais là... Allez, j'envoie une musique. Non, mais là, ce rythme-là, c'est pas à 22h30 qu'il va finir, c'est à 21h30. Alors, hein. Ce que je te propose, avant d'écouter une musique, tu nous expliques ce que tu fais, j'explique ce que je fais ce soir par rapport au sujet, et Thierry aussi. Et après, on envoie la musique. J'envoie la musique. Ça te va? Ouais, vas-y. Allez, alors moi j'ai fait un petit quiz évidemment. J'avais un petit peu de mal au début. Tu vois, je me suis dit, je fais un quiz ou un sujet parce que addiction c'est quand même sérieux un petit peu. C'était sérieux. Assez marrant. Il me regardait en mode qu'est-ce que je fais ce soir? Un quiz, un tu sujet. Tu peux nous parler de toi? T'es tout un sujet déjà. Ouais. C'est vrai qu'on peut tenir plus de. Mais c'est peut-être pas le but. C'est pas le but ce soir. Donc un quiz sur les addictions. Un petit quiz sur les addictions, sur surtout les appellations en fait. D'accord. Il y a des addictions, genre je sais pas, renifler ses chaussettes. Comment ça s'appelle? Alors je connais pas le nom, mais il y a un gars, j'ai lu tout à l'heure, qui faisait ça. C'est une forme de fétichisme. Oui, et son problème c'est que. Alors il respirerait juste des chaussettes, ça irait. C'est des chaussettes sales et ça a eu un impact sur sa santé parce qu'il a dû aller à l'hôpital. Forcément, les bactéries sont rentrées à l'intérieur de son corps. Donc, infection des poumons, donc ça, on peut dire qu'il a une addiction. Ouais. Parce que ça devient négatif. Ah là, mais ça ne sera pas dans le quiz. Ah, ok. Dommage. C'est dégueulasse. Dommage, on sera renseigné. Ouais. C'est pour ça que je porte des tongs. C'est plus facile à respirer. Ouais. T'as pas les chaussettes, c'est ça aussi? J'ai pas les chaussettes. J'ai des chaussettes de boulot maintenant. Toi, Thierry, ce soir, tu vas nous parler de quoi? Donc, j'ai pris le sujet des fans et je vais rappeler que fan, ça vient de fanatique. Déjà, ça va paraître beaucoup moins positif. Non, mais pour montrer que ça peut avoir un côté positif, ça peut être une passion de base. Admirer un petit peu autre chose que soi, ça évite d'être trop narcissique. Bon, il y a des petites choses positives, mais il y a un moment, si on n'arrive plus à vivre sa vraie vie et qu'on vit par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et il y en a, c'est par rapport à des objets, tu viens de parler hein, de dépendance par rapport à des objets aussi. Alors là, ça devient un problème. Donc on va parler vaguement de ça pour essayer de faire une définition. Je vais vous donner des exemples d'objets et combien les gens ont mis niveau argent pour les acquérir tellement ils sont fans jusqu'à se ruiner quelque part. Ouais. On va parler de comportements extrêmes. Tu viens d'en mentionner un. Oui. Et puis je pense que si on a un petit peu le temps, mais on verra peut-être qu'on le fera dans les autres débats. Parler ensemble, en fait, est-ce que vous êtes dépendant de quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt à mettre un certain prix? Voilà, ça vous fait réfléchir là-dessus. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Toi, Kevin, tu veux parler de quoi? Alors moi, je vais parler d'un personnage historique qui avait deux addictions, donc l'alcool, à la fin de sa vie, vu que c'est arrivé, et le combat. D'accord. Ça avait un impact négatif? Ah, c'est discutable, le combat. Mais c'est... Si, totalement. Quand tu te blesses, hein, mais bon, c'est le principe d'un combat. Donc, Tu verras tout à l'heure. Quand tu vois sa vie, si, quand même, ça a impacté sa vie. Ah oui, totalement. Ouais. On va voir ça, mais avant ça, on a un peu de musique, je crois. Oui, avec Colin Sicré, ta reine. Sicré. Sicré, oui, Sicré. C'est de Angélique, me semble. Ah ouais, ta reine, oui, c'est vrai. Oui. T'as raison. Oui. Un road trip dans la pop culture, sans voiture et sans avion. On t'offre les billets. Peck Avenger V2 jusqu'à 23h sur Indestar. C'est quand même bien vu qu'on est généreux sur PK quand même. On offre les billets pour un road trip dans la pop culture. On est sympa quand même. C'est ça. Surtout que là, on va faire un petit chapitre un peu hors que pop culture. Oui, c'est ça. C'est marrant. ensemble. C'est ça qui est génial. C'est un peu le Ryanair en fait. Tu pars de Paris pour aller à Porto, mais tu pars pas exactement de Paris, tu pars de Beauvais pour aller à Beauvais. C'est tellement ça, oui. Ouais. J'aime beaucoup Beauvais. Copyright, c'est pas moi. C'est quelqu'un copyright, d'autre. C'est pas moi. En même temps, c'est Madignan. Qu'est-ce qu'on met dans pop culture? Un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça, il y a un peu tout. Mais les addictions, c'est pas très pop, j'avoue. Non, non, mais pourtant, on en a trouvé. Si, ouais. S'il suffit de parler de collection. Ouais, mais ça n'a pas un impact négatif sur ton budget, oui, mais bon, ça c'est. Ouais, mais ça, c'est un bien matériel. On en parlera tout à l'heure quand même. Ouais, c'est vrai. Ce sera mieux. Ok. Je me tais. Allez, musique. Oui, c'est ça, ferme la gueule. Non, est-ce que bon, vous avez une addiction un peu en dehors de la pop culture, tout ça? Bon, tout court déjà. Moi? Oui, si. Vas-y, oui, balance. Je mal. Justement, j'étais parti sur Tony Stark, que je me prenais un peu pour Tony Stark. Ouais. C'est vrai que dans les t'as faits... pas le même génie quand même. Ah! On n'a pas les mêmes moyens, surtout. C'est un génie, mais ça fait incompris. On n'a pas les mêmes moyens. C'est vrai que je vais en parler aussi tout à l'heure. Alors, c'est vrai que il est plein dans ma... Il est partout dans ma vie, ce type. Hein. Il m'oblige à faire des trucs. Hein. Pour que je ressemble, il ressemble, c'est quand même phénoménal. Hein. Ça marche pas beaucoup, quand même. Là, je suis en train de m'amuser avec des imprimantes 3D, de reprendre des morceaux à droite et à gauche et d'en faire qui marche. Ah. Ah ouais, et il y en a qui marche. Il fait pareil avec les et armures. Ça finit en 3D ou en 2D parce que... Non, en 3D réellement. En 3D. C'est pas parce que tu cumules les imprimantes 3D que ça va faire 6D, 9D. Non, ça marche pas comme ça. Dans les dés à jouer ou les dés à coudre, on verra plus tard. Les dés pipés surtout. Mmh. Oh, ouais, ouais. Mmh. Soit. Et donc, du coup, tu dirais que tu es addict un peu à la tech. Bah oui, de toute façon, c'est depuis que je suis. Alors, il y a quand même une origine à ça. C'est que lorsque j'avais une dizaine d'années, j'ai failli m'électrocuter. Chez. Et j'ai voulu comprendre. Putain, c'est raté. Non mais tu te rends compte ce que vous auriez... Comment je pouvais mourir en 2 secondes. Ah ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte ce que vous auriez raté quand même. Ouais. Parce que non seulement il y avait. On l'aurait pas su. Et il n'y avait pas Kevin non plus, hein. Ben oui. Ah ouais, tu te rends compte, hein. Bordel. Ouais, enfin. Ouais. C'est moche, hein, quand même. Hein. Et de là, déjà que je bricolais beaucoup de choses, parce que à cette époque-là, si tu voulais quelque chose, fallait te démerder. Ouais. Hein. Et donc depuis, ça a toujours occupé ma vie. C'est, y a des fois, il y a régulièrement, même il y a le besoin de faire quelque chose, même de les inventer, hein, les choses, hein. Si j'ai rien pour... La créativité, certainement, une bonne addiction, ça pourrait être un paradoxe en se disant, tiens, addiction, on sent le côté négatif, mais en fait, le besoin de... Alors, besoin d'être occupé, oui, peut à un moment peut-être poser problème, mais c'est humain, mais de créer des choses... La vraie question, c'est comment tu dirais que c'est une addiction dans le sens où quel est l'aspect négatif de cette chose? L'aspect négatif, ouais. C'est que si j'ai rien à bricoler, à bidouiller, va falloir que je cherche, que je trouve quelque chose. Tu peux y demander, il y a des trucs, alors c'est pas obligatoirement que de la technologie, mais ouais. Je passe des fois mon temps à chercher des trucs pour aménager quelque chose à la maison en me disant tiens, faut que je fasse un truc parce que... Tu perds beaucoup de temps, entre guillemets, enfin, perds beaucoup de temps, non. Non, je... Tu passes du temps à... Je passe du temps, alors, je perds peut-être pas du temps comme font certains à dès qu'ils rentrent le soir. C'est une passion, là, pour le coup. C'est pas qu'une passion, non. Non, non. Ah non, c'est pas un aspect négatif d'une chose. T'as pas toujours de négatif, c'est... Si, il y a quand même un côté négatif. Des fois, je fais quelque chose qu'il faut que je fasse, mais le bricolage, je le fais pas. Donc, ouais. Je vais laisser ce que je dois faire pour aller faire du bricolage. Ah oui, tu es capable d'arrêter des choses. Je vais aller faire un autre truc. Parce que oui, j'ai besoin de... Alors, il y a le problème... Je fais des pâtes. Oh non, j'ai envie de bricoler. Ça, je peux finir. Non, mais ça. Le pire, c'est que des fois, t'as le bricolage à côté de la cuisine. Hein. Oui, oui. Bon, ça arrive. Ouais, la perceuse avec les nouilles. Oui, parce que créer quelque chose est certainement plus intéressant que de faire des tâches ménagères répétitives. Oui. On en parlait tout mais à l'heure. Peut-être que tu peux créer quelque chose même en faisant le ménage. Pour les artistes, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, Un artiste peut se lever la nuit et aller composer une musique. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction? Ça dépend. Oui, il va avoir un problème de sommeil, mais... C'est l'inspiration, effectivement. Ça dépend. S'il est en période de composition d'album, oui, c'est de l'inspiration. Je sais pas, il y en a, ils ne cherchent même pas. Ils disent, oh putain, l'idée de génie. Hop, j'ai envie de créer Despacito, là. Non, mais c'est... Thierry parlait de créer. J'ai aussi ce problème-là, effectivement. J'ai toujours besoin de... Donc, le bricolage et la création. J'ai besoin des deux. Ouais. D'accord. Constamment. Une autre ou c'est tout? Non, ça va être tout. Hein. Non, là, je vous laisse un peu la parole. Non, parce qu'après, on va finir à 23h30, donc ça va pas le faire. Toi, t'es dit Une addiction Ah. Ah, il boit un coup de temps en temps. Peut-être à... une addiction. Non, non. Peut-être à Pokémon Go, j'avais peut-être une petite addiction, fut une époque, mais bon là ça fait au moins un mois que j'ai pas touché. Ah oui, c'est vrai que oui, il y a une époque. C'est vrai. Il y a une époque, t'avais même deux téléphones portables avec toi. Oui. J'ai toujours deux. Ils ont toujours. Non, mais qui était connecté sur Pokémon Go. Ouais. Ouais. Ouais, ils non, sont là... toujours. Bah, le mien à Pokémon Go encore, mais je le vois pas. Et le deuxième, c'est ma copine qui l'utilise, j'imagine. Mais ouais, je mettais un peu d'argent aussi chaque mois dedans. Je mettais, je sais pas. Ah ouais, là ça commence à. Ouais, ouais non, 30 euros. Attention, ouais. C'est pas non plus 200 balles ou. Ouais, non, mais à partir du moment où t'en mets, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Routinier. Baf. Moi, j'ai toujours vu ça un peu comme les jeux en ligne où tu payes un abonnement, en fait. Dans ce sens-là, ça marche. Sauf que là, tu n'as pas d'abonnement de base. Ça te revient plus cher qu'un abonnement aussi. Ouais, puis je considère, tu vois, il y a des jeux, autant ça vaut pas l'investissement, autant il y en a, ça vaut l'investissement. C'est un peu compliqué à expliquer parce que qu'est-ce qu'un. Enfin, ça devient la définition. Qu'est-ce qu'un jeu qui est méritant pour toi, en fait Ouais, il va y être pour toi, mais pas pour un autre en voilà, plus. Voilà, donc bon. Autant Pokémon Go, ouais, ça me dérangeait pas de mettre 30 euros par mois. Ok. Voilà. Ça soulève quelque chose, c'est que aussi tu peux penser chez une autre personne qu'elle a une addiction et que cette personne ne soit pas convaincue. Que quelqu'un d'autre ait les mêmes symptômes, mais elle n'a pas l'addiction. Mais on doit certainement être tous dépendants, puisqu'on est tous déjà dépendants affectivement, puisque l'être humain n'est pas franchement fait pour vivre totalement seul. Non. Non, il y en a très peu au final. C'est un individu qui vit socialement. Ouais. Ouais, mais clairement, on vit pas la seule. On est des fourmis, hein. On vit en collaboration. D'une autre façon, oui. Hein, voilà. D'une autre façon, oui. Et c'est je dirais que je suis un peu addict au sucre aussi. Un petit peu. Contre, oui, ça. Oui, le besoin. Que ça a un effet assez négatif. C'est le mal du siècle et certainement un effet aussi générationnel. Hein, donc, oui. Avec la nourriture qu'on a, il y en a tout. Ouais. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, je pense que j'ai un petit problème avec le sucre. Dès que j'ai un petit coup de mou, je sais que si je mange du sucre, ça repart. Et c'est vrai. Parce que en termes nutritifs, c'est un peu ça, c'est de l'énergie rapide. Ouais, c'est du sucre rapide. Oui. Oui, en plus, sucre rapide plus que sucre lent, évidemment. Ouais. Mais bon. Enfin, si, je mange des nouilles, mais bon. Mais nous aussi, on en mange, t'inquiète, pas tout seul. Addict aux nouilles. Mais ouais. Ah, mais j'ai connu des gens oui, qui étaient addicts à des. Vraiment, qui avaient besoin de manger. Des nouilles. Allez, tous les deux ou trois jours, ça peut être des nouilles ou autre chose. Et puis s'ils les avaient pas, ils devenaient complètement dingues. Hein. Je dirais plus le fromage pour ça. Mais que je mange des nouilles, mais avec du fromage. Et beaucoup de fromage. C'est pas plutôt du. Des... Fromage aux nouilles, si voilà, c'est merci. Souvent. Cherchez le nom. Les nouilles, c'est un accompagnement. Ouais. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Il y en a, y en a qui mettent du fromage, du pain sous le fromage, mais c'est des nouilles. Ouais. Et toi, Kevin, t'en as ? Alors moi, j'en ai deux. D'abord, il y a le Coca-Cola. Ça, le sucre c'est... aussi, du coup. Ouais. Un plus vraiment coca, vu que sucre. Un sucre spécialisé, ouais. Voilà. Vu que le sucre, autrement à côté, j'ai pas spécialement de problème. Bah, en fait, on a plus besoin tellement il y en a dedans. Bah, c'est ça, oui. Et l'autre. Mais dans le final, le Toby me dira diabète, tout pareil. Et l'autre, alors c'est tout con, mais je suis streamer, donc forcément, il y a les jeux vidéo quand même qui vont avec. Considère que c'est un impact assez négatif. Quel serait l'impact négatif pour toi dans On va dire qu'avant je faisais des nuits de 5-6 heures avant. Maintenant je suis passé à 1 heure, 2 heures max. Ah ouais, du coup ça a peut-être joué un peu sur ta santé au bout d'un moment. Ah bah je pense que ça a joué totalement déjà, sur le sommeil. Je me sens pas très bien. Mais oui, non, d'accord, je vois. Ouais, à partir du moment où tu passes plusieurs heures par jour et que tu t'arranges, même si c'est par besoin, par nécessité. Bon, Kevin en était, bon, faut que j'y aille, il faut. Voilà. Est-ce que toi tu mets par exemple de l'argent aussi dans les jeux vidéo? Non, pas spécialement. Des abonnements déjà à Steam. Alors, ou genre des trucs. J'ai des abonnements évidemment Gold pour Gold, en ligne. Mais bon, t'as Game Pass pour avoir plusieurs jeux en plus à côté, pour avoir plein de diversité. Mais oui, on s'en y a rend pas des compte, mais c'est des offres qui rendent un peu addict quand même. Rien, hein. Ouais. Parce que ouais. Ça t'offre un panel de beaucoup de choses. Bah, c'est ça, absolument. Ça. Les passes. Mais oui, c'est surtout ça. Parce que si ça se trouve, il met plus d'argent que moi au final par mois. On sait pas. Alors attends. On va dire, si tu prends chaque passe par exemple 6 à 5 euros par mois. Je sais pas, sur Xbox par exemple, c'est 60 euros à l'année. Oui. Ça revient on va arrondir à 6. C'est même, voilà. On va diviser par 10. C'est même plus avec le Game Pass. T'es à 100, 110 par an. Ah, donc techniquement, on va dire, ça fait 10 balles. Ça, tu prends ça pour chaque truc. J'ai ça plus la PlayStation. Ouais. Donc ouais. Forcément, déjà ça monte vite. Ouais, voilà. Donc déjà, c'est peut-être 100, plus. Alors, finalement. 60 pour la PlayStation. 160, bah t'es à 15 euros par mois là. Donc oui. Mine de rien, ça. Tu ça mets un petit peu d'argent. Alors c'est pas énorme, et puis bon, t'as une diversité de tous les jeux quand même, donc c'est pas non plus. Et puis ça permet de jouer avec les copains qui sont à l'autre bout de la France. Bien sûr, c'est ça. Aussi, c'est un peu le c'est vrai que c'est. Bah, c'est un avantage. Pour certains jeux, c'est le but, hein, clairement. Ouais. Bah, sur certains, oui. Vu que pourquoi ? Honnêtement, Call of Duty, tu y joues tout seul, ça a bien 5 minutes, mais bon, c'est mieux avec des potes. Alors que FIFA, après, par exemple. Là, tu vois, par exemple, t'es avec nous à la radio, donc tu sors un petit peu quand même. Oui, bah oui, quand même. Pas autrement. Hein. Autrement Et toute la semaine, il est chez lui. Sauf le jeudi soir, où il est sur Peck Avengers, sur Indestructible. C'est déjà un premier pas vers la guérison. Ouais. Va-t-il faire le deuxième ? Vous le saurez, et nous aussi plus tard. Au prochain numéro. Voilà, n'est-ce pas ? Toi, Thierry, t'as peut-être pas de problème avec les jeux vidéo, je crois. Bah, je suis certainement pas autant que vous, pas sur la même chose, mais même quand je commence à faire des recherches pour mon travail ou pour autre chose, c'est vrai qu'on dévie vite fait. Tiens, je vais faire une petite partie, et puis la petite partie se transforme en heure passée. Oui, oui, ça. C'est le Candy Crush, c'est, tu vois, il joue un petit peu entre deux exercices. Aujourd'hui, on a plein d'appareils, donc tu peux continuer ton travail, ta préparation, puis tu as ton portable à côté. Tiens, bon, ben, le jeu, au lieu d'être sur l'écran, il sera sur le portable, parce que mon travail, il faut quand même que je le fasse. Et du coup, tu joues à quoi, du coup ? Ouais, c'est des petits jeux, enfin, gratuits que je trouve. Enfin, c'est pas, ou les jeux Facebook, enfin, c'est pas des jeux de plateau. C'est pas des références. c'est pas vos références, et ça, faut ça pas forcément d'intérêt. Mais par contre, je sais que, enfin, tu parlais de Candy Crush, ce sont des choses qui sont faites pour qu'on devienne addict. Hein. J'ai joué à Candy Crush. Moi, je joue toujours à Pet Rescue. Hein. Pas de patrouille. Non, Pet Rescue, c'est un jeu du niveau à peu près de Candy Crush. Je connais pas, mais Pet Rescue, c'est, je crois que c'est le nom anglais de Pat Patrouille. Ah non, c'est Pawn Patrol. ou Pétrole, je sais plus. Ouais. Mais oui, mais Pet Rescue, ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est un équivalent fait autrement, par la même boîte, King. Ouais, ils font toujours des jeux qui se ressemblent. Ouais, là, c'est ça. C'est ça. On va pas se mentir, c'est. Mais c'est totalement ça. Côté dépendance dans la vie, alors là, je peux te dire, j'ai parlé d'un truc qui concernait les humains, qu'on est des êtres sociaux. Alors moi, cette dépendance, ouais, je l'ai. Ainsi, pendant 3 jours de suite, je vois personne, ça me pose un problème. Ouais. Que ce soit dans que j'ai même une seule heure de cours en une journée, ça m'a d'avoir vu du monde, mais la radio pour ça c'est très bien aussi. Oui. Moi j'ai besoin d'interaction sociale, et en plus alors à distance ça va 5 minutes hein, les confinements machin, mais ouais j'aime bien. Ah, du coup t'as mal vécu le confinement. Bah, après, bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, d'avoir des animaux, etc. Mais franchement, ouais, ça me manque d'être en compagnie de personnes. Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Ouais. Mais par contre, je n'aime pas la foule, c'est-à-dire qu'il ne faut pas 25 personnes. Faut pas trop de. Ouais. Un peu non, mais tu vois, même organiser des repas, enfin, je crois qu'on a fait ensemble, si t'avais pu venir, je sais plus, mais 6 personnes, c'est très bien, hein, une fois de temps en temps. C'est pas la régularité non plus, hein. J'ai plein d'activités différentes, mais qui me permettent de voir du monde et ça me va bien. Bah, je vois qu'on a des profils assez différents. Oui, c'est ça, totalement. Quand même. Et on n'a pas les plus communs, on va dire, hein, genre l'alcool, la drogue. Bah. Franchement, ceux qu'on connaît le plus et qui sont le plus. Bah, c'est ça. Franchement, on est sur une Indestar. Peut-on être commun sur une Indestar ? Hein ? Ouais, c'est pas vrai, c'est ça le truc. Bon, on peut y être quand même aussi, hein, mais pas les PK apparemment. Ouais. Après, tu peux te dire au niveau des substances, enfin, de ce que tu manges, est-ce qu'il y a un truc dont tu peux pas te passer ? Moi, je me dis, bon, si 2-3 jours sans fromage, mais alors après, je te pèterai un câble. Hein. Je comprends. Je comprends. Je crois que je suis bien froissé pour ça. On s'en. Enfin, moi personnellement, je me rends pas compte, mais je suis à peu près sûr de manger du fromage tous les jours ou une fois tous les deux jours. Comme c'est sûr. Comme les repas sans pain, je m'en passais une fois parce que j'ai oublié, mais ça bah, j'y arrive pas, du coup. Ça me manque quand même. Hein. Ah, je comprends. Je ouais, Teddy, il voit déjà, il mange. Enfin, moi, je le vois tout le jour. C'est sûr. Ah. J'en ai même mangé aujourd'hui du pain, une baguette spéciale, noisette, sésame, pavot. Allez, petite promo des familles. farine blanche, farine complète, la baguette de papa pour la fête des pères de ce week-end. Je mets au point ma petite recette. Ça y est, tu mets au point. Elle est bonne. D'accord. Ah. Ouais. Venez intervenir. je plaisante. La musique aussi qui est bonne. Oui, c'est ce que j'allais dire. La musique est bonne. En c'est faisant ça. De la radio, je crois qu'on peut devenir addict à la musique. Oui. En tout cas, on va voir Ma Pauvre Lucette. Oh, c'est le moment de le dire. Addict ma à la Lucette. Musique. Mais c'est le jeu, Ma Pauvre Lucette. Ouais, c'est ça. Plaqué or. Ouais, Ma Pauvre Lucette, elle a gagné. Ouais, elle a gagné au C'est la musique, Ma Pauvre Lucette, alors. C'est totalement ça. PK Avenger, c'est comme... Dans la cité de la peur. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt ? Vous voulez pas un whisky d'abord ? Mais en différent. Ouais. très différent. Qu'est-ce que je l'aime ce jingle. Ouais. C'est, il est fun. T'aimes bien le whisky ou les doigts, ça dépend. Il y a un des deux que j'aime bien, je ne dirai pas lequel. Moi, j'aime bien mes doigts et m'en servir. Je sais pas où tu les mets, mais bah pour bricoler. Pour bricoler. Bien sûr. Je sais pas ce que t'as été comprendre là, franchement. Bien sûr. Effectivement. On avait tous compris ça, Daniel, pour bricoler. Oui, non, mais c'était pour être sûr que tout le monde ait compris. D'accord. Donc là, bah, je vais parler d'un personnage que beaucoup de joueurs connaissent de jeux vidéo, vu qu'il est apparu dans Overwatch notamment. Il a eu un skin à son effigie. Ah ouais. Il s'appelle Loubou. Loubou. Oui, Loubou. C'est mignon, Loubou. Ça fait penser à Booba. Honnêtement, c'est tout sauf mignon ce mec. Donc... Le gars, c'est God of War. Ah non, pas d'ailleurs, tiens, Teddy, tu as une petite musique par rapport à lui. Ouais, je la mets. Ouais, vu qu'il apparaît dans une série de jeux vidéo, donc Dynasty Warrior. Et donc là, c'est le thème qu'il a dans le numéro 7. Ça respire la violence. Bah, c'est ça. Donc, Loubou, donc, de son nom social, il s'appelait Fengxian. Même plutôt. Certes. C'était un général, puis un seigneur de guerre de la dynastie des Han. Ouais. Il est né entre 153 et 156. On n'a pas la date exacte. Il a mis 3 ans à naître. On ne sait pas en fait exactement. On a retrouvé des écrits, mais ouais, on ne sait pas exactement. Parce qu'il a vraiment existé du coup. Il a vraiment existé. Oui, complètement. Il est mort le 7 février 198, donc soit entre 42 et 45 ans. Ce qui est pour l'époque assez énorme. Une moyenne haute. Ouais. Il a peut-être mis autant de temps à mourir qu'à naître. C'est 3 ans. Surtout bon, quand ce guerrier passe absolument tout son temps à se battre depuis l'âge de 6 ans. Les guerriers, ils ont pas une. ils se passent très souvent. Non, pour te donner une idée, donc le plus vieux qu'on a retrouvé de l'époque, ce serait 80 ans maximum. C'est pas mal. C'est très vieux à l'époque. Ouais, il a bien vécu. Donc lui, donc, ses premiers combats remontent à l'âge de 6 ans. Il se battait pour un oreiller Non, il aurait carrément tué son père. Oh, bah d'accord. Hein. Ouais, déjà c'est pas. Sympa l'ambiance à la maison. Ouais. Et ça nous laisse sans voix pour une fois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est également un personnage très fourbe, arrogant et très fort pour manipuler les autres, ce qui est reporté dans le roman Les Trois Royaumes. Il a le parfait profil type du méchant. Bah ouais. Alors oui, totalement. Donc, c'est un guerrier qui était un maître dans l'art de manier l'hallebarde, mais c'était pas son arme de prédilection. Il préférait l'arc. Oui. C'est étonnant pour un violent. Ouais, mais... Je suis non violent, je suis un elfe. Stéréotype direct, mais bon. Ouais, c'est ça, mais tu vois, on a retrouvé des traces où il y a eu des défis à faire, et les défis à l'arc, ils te les dégommaient, en fait. Donc, Loubou est très connu pour être accro au combat, étant même considéré par certains comme le guerrier le plus puissant ayant existé d'un point de vue de la force brute. Vraiment, niveau force physique, il est considéré comme le plus puissant ayant existé. Parmi les guerriers. Voilà. Ouais. C'est un métier qui n'existe plus trop. Hein. C'est ça. Donc, pour vous donner une idée, à l'époque, chaque seigneur de guerre avait un stratège. Ouais. Loubou n'échappait pas à la règle, évidemment, il en avait un. Ouais. Sauf que la grosse différence entre lui et les autres, c'est que lui, rien que par sa puissance, il contrait absolument toutes les stratégies possibles. Il n'avait pas besoin de stratégie. C'est ça. Voilà, ouais. En gros, son stratège lui en faisait, sauf que le mec, il disait « Oh, mais je m'en fous, on y va, on dégomme tout. » Tu sais, c'est un peu comme Astérix et Obélix. Astérix fait un plan, et puis Obélix, il fonce dans le tas. C'est ça. Il n'y a pas besoin. Ouais. Il y a même des soldats qui ont déserté d'autres armées pour le rejoindre pour être sûr de gagner. Donc le mec, bah. Sûr de pas mourir. Ouais, voilà, c'est massacré, ça. Ouais. Il était puissant, donc ils se sont dit, bon, bah, on va forcément gagner, quoi. Et ça, je parie que c'est arrivé plus d'une fois hein, dans l'histoire où il y a des armées. Certaines personnes ont dit, oh, je vais changer de camp parce que. Ouais, c'est ça. Ça pue la merde, hein, ça pue la défaite quand même. Pour continuer, tant que sur le côté un peu extraordinaire du bonhomme, à l'époque, sa renommée par rapport aux batailles, par rapport à tout ça, l'a rendu connu au Japon. Donc, ah oui, t'avais pas internet à l'époque, tout le monde Ryufo Ozen, en Corée également, Yepo Bongseon, et au Vietnam en plus. Mais pas en Europe. Non, pas en Europe. C'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Déjà, rien que d'être connu au Japon, en Corée, au Vietnam pour l'époque. C'est déjà énorme, sachant que le Japon était assez reclus sur lui-même. C'est ça. Donc dire que bon, il y a un guerrier qui a réussi à transcender ça, c'est dire la force du bonhomme, puis son addiction aussi quand même. Belle bête. Ouais. Donc dans la pop culture, forcément, il est pas mal repris aussi. Ouais. Il y a un manga où il apparaît, c'est Valkyrie Apocalypse, où il affrontera Thor, donc le dieu nordique. Il l'atomise. Eh ben, en termes de force brute, Loubou sera au-dessus de Thor. Bien qu'il finira par perdre le combat, mais il gagnera le respect de Thor. en disant c'est dommage gagner que tu un respect quand tu perds la vie, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Mais disons que bon, quand un dieu te dit c'est dommage que tu sois né humain et pas dieu, c'est quand même. T'as pas de peau, mon gars. Hein. T'es pas né où il fallait. Hein. Ouais, c'est ça. En gros. J'ai pas choisi, mon gars. Ouais, c'est ça. Donc. Déjà que je suis né, on sait pas, pendant 3 ans, alors hein, ouais, s'il fallait choisir sans plus. Hein. S'il est quasiment aussi fort qu'un dieu en étant humain, je dirais que c'est lui qui est le plus chanceux des deux. Mm. Parce que Thor est du coup un dieu de base, donc bon, il a une certaine puissance de base. Mm. Alors que le voilà quoi. C'est qu'un humain quoi. Il sort c'est... de nulle part. J'ai peut-être une explication. Il a plus de mérite. J'ai peut-être Vas-y, une Daniel. Explication. Il est né dieu, mais il a été perdu sur Terre et quelqu'un l'a adopté. Il donc c'était peut-être... Voilà, il est tombé. Quelqu'un l'a adopté. En fait, c'était un dieu, mais personne ne le savait. Ouais. Après, donc, pour finir sur Lubu, donc j'ai 3 petites batailles où il s'est illustré, forcément. Ouais. La première, c'est la bataille de la porte de Ulao, qui s'est déroulée en. Merci, Teddy. Qui s'est déroulée donc en février 190 jusqu'à 191. Là-haut. Ouais, oui, c'est là-haut. Ouais. Ouh, là-haut. C'est la bataille qui a fait passer Lubu d'un statut de général à celui-là de légende, dieu, tout ça. Ouais, pendant la mythe. Voilà, où il a dépassé le statut d'humain. Ouais. Donc, cette bataille, il sera chargé de protéger la dernière des portes menant à Luoyang, donc qui est l'ancienne capitale des Han. Donc, on va dire, c'est un truc assez important quand même. C'est pas mal. Il affrontera en duel Guan Yu, qui avant ça avait défait le deuxième officier le plus puissant de l'armée. Donc, Guan Yu, qui est le dieu de la guerre en Chine, qui est toujours vénéré de nos jours. Sauf qu'il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec ses deux frères d'armes, donc Zhang Fei, qui est de force égale à Guan Yu, qui est un poil en dessous en termes de force, et Liu Bei, qui est juste vertueux en fait. Juste donc, Liu Bei. Voilà, c'est ça. C'est lui en termes de combat, il est largement en dessous des deux autres. Oui, mais il est très célèbre aussi pour. Par rapport à la vertu. J'avais pas. C'était pas lui qui voulait unifier les trois royaumes de Chine. Alors. L'un des trois. Il a eu l'un des trois royaumes avec le Shu. Mais il était pour l'unification, je crois. C'est, on va dire que au début, il était pas spécialement pour, mais après, il s'est rendu compte que fallait que tout le pays soit dirigé par un seul empire. Ce qui est futé. Mmh. Ouais, Bison comme Bison. Être préférence que ça soit lui quand même, ouais, pas les ça. Autres. Hein. Donc, bah, il était plus futé que les deux autres, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, ces trois guerriers, qui étaient quand même de guerriers redoutables à l'époque, bah, Lubu les a battus en duel. Ouais, puis l'autre. À un moment, il s'est dit, en fait, à force, ça a duré 5-6 minutes le combat. Il en a eu marre, il s'est cassé. Il s'est dit, c'est bon, ça me saoule, c'est trop simple. Évidemment, c'est repris dans Dynasty Warrior, qui est le jeu vidéo qui a inspiré des trois royaumes. Et là, tant qu'à rendre le truc encore plus exagéré, ils ont rajouté un quatrième guerrier, avec Zhao Yun qui deviendra le garde du corps de Liu Bei. Ouais. Et évidemment, Lubu tiendra tête aux quatre. Normal. Ouais, voilà, oh, c'est normal. Base. C'est un homme... J'allais dire ordinaire, mais c'est peut-être un peu abusé quand même. Ouais. Ah, non, j'ai une explication, c'est un dieu qui s'ignore. Voilà. Ouais. Il a été adopté par un humain. C'est un demi-dieu. Voilà. Ouais. Ouais. Lui, le recueillir, c'était pas la bonne idée, vu que ses deux pères adoptifs, il les a tués, vu qu'ils se battaient pas assez à son goût. Chut. T'imagines ? Tu ne t'approches pas de ce type. Ouais, tu c'est ça. Une... C'est... En gros, tu dégages, quoi. Fléchette paralysante. La deuxième bataille, donc c'est la bataille de Puyang, qui se déroule en 194-195. Ouais. Elle durera moins de 100 jours, mais il y aura aucun des deux camps qui s'affrontent, donc entre Lubu et Xiao Xiao, qui est justement un des autres royaumes, qui va réussir à gagner la bataille, on va dire vraiment. C'est au début, donc Lubu avait l'avantage, et à la fin, Xiao Xiao a repris l'avantage. Mais cette bataille, elle se terminera véritablement avec justement celle de Xiapi, où je vais en venir après. D'accord. Pour finir donc avec Xiapi, ça va se dérouler pendant l'hiver 198. Ah, c'est pas loin de sa mort, ça, du coup. Alors justement, c'est la bataille finale de Lubu. Qui l'opposera à ses deux rivaux. Il est mort de froid. Alors non, il est pas du tout mort de froid, le pauvre. Triste. Donc ça va l'opposer à ses deux rivaux, donc Xiao Xiao et Liu Bei. Ouais. Qui après donc sont restés dans le folklore comme des légendes aussi. Oui. Il aura fallu l'alliance de ces deux garçons là. Voilà, de ces deux stratèges. Mais il aura fallu bien plus que ça aussi. Vu que tout à l'heure donc j'ai parlé il qu'il a fallu avait... une armée. Oui, une armée, mais pas que. Mais pas que. Tout à l'heure j'ai parlé d'une addiction choses, à l'alcool qu'il avait. Ils y ont saoulé la gueule avant. Et l'addiction s'est aggravée. Vu qu'à force d'être enfermé dans le château, forcément il en a eu marre. Ouais. Donc il s'est dit, bon, je vais me mettre à boire un petit coup. Ils ont fait un petit siège. Ouais, c'est ça, il y a eu un siège. Donc ils se sont dit, bon, ça va pas faire de mal. Ouais. Mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que son addiction à l'alcool. Ils ont envoyé des filles. Non, il y a eu la trois quarts de son armée qui ont fui, en fait. Vu qu'ils se savaient perdus. Donc déjà là t'as l'addiction et puis l'armée. T'as les trois quarts de l'armée. Ouais voilà, la désertion. Merci Thierry, je cherchais le terme. T'as ça, t'as les deux rivaux qui s'allient, mais c'est pas fini. Ils se sont dit, tant qu'à continuer, on va inonder le château. Allez, une maladie. Et hop, allez. Non, une inondation seulement. Oh. Là, le quart qui est resté est décédé. D'accord. Fait que donc, voilà. Boubou, donc, il restait quelques soldats qui l'ont trahi, qui l'ont amené après. Donc, forcément, quand t'as un général comme ça qui se fait prendre, qui est relativement puissant, on va tu dire... Tu l'exécutes. Bon. Alors, au début, c'était... Il voulait rejoindre... Il voulait que Cao Cao rejoigne son armée, en gros. Ouais. Cao Cao lui a proposé. Que bon... Liu Bei a dit non, c'est un fourbe, tout ça. Donc, avant de mourir, il a eu deux choix. Il y a eu deux paroles qui auraient pu être dites. Donc, on ne sait pas laquelle c'est. Vas-y, balance. Le problème, c'est qu'on a ces deux-là. Donc, soit il a supplié Cao Cao de le recruter dans son armée. Ouais. Chose qui n'a pas été faite. Évidemment, vu que Cao Cao finira par le tuer. Soit il a demandé d'en finir rapidement, vu qu'il s'ennuyait à être le plus fort. Et n'ayant personne à qui se mesurer. Ouais. Forcément, t'as un ennui qui est j'allais créé. J'allais mesurer au dieu de la mort. Il était devenu fou, quoi, en quelque sorte. À la fin, il a totalement est-ce qu'il était fou. Pas déjà ouais. Si, je pense. Non, ouais. Et justement, pour en revenir à la dernière phrase, bah, Dynasty Warrior a bien insisté dessus. Quand il bat un officier, sa phrase, c'est « Quelqu'un peut-il me proposer un défi décent ?» Donc, tu vois, c'est quand même... C'est jusqu'au bout, quoi. Ça fait, ça fait penser peut-être aux champions, alors je sais pas, de boxe ou d'autre chose, qui, à force d'affronter des plus forts, cherchent toujours plus fort. Ben, c'est ça. Ouais. Et à la fin, bah, quand t'as plus personne à qui te mesurer, bah, tu t'ennuies, quoi. Putain, c'est qui ? Mohamed Ali, je crois, qui a jamais perdu ? La légende du boxe ? Il y en a eu plusieurs. Alors, dans Mike les plus récents, t'as peut-être Joe Frazier aussi, Mohamed Ali. Après, t'en avais dans les années 30-40 aussi. Quand tu excelles dans une discipline sportive et que t'as du mal à trouver un rival. Ouais, mais d'une manière générale, dans les addictions, c'est-à-dire que alcool, toujours plus fort, toujours plus. Et... Tu vas toujours plus loin. En fait, dans le truc, tu peux même t'imposer des handicaps quitte à manquer de respect aux autres. Genre, tiens, je vais combattre avec une seule main. De toute façon, oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le bricolage. Il y a des trucs que je fais plus, hein, de toute façon. Tu le sais, parce que je dis, ça m'intéresse plus, c'est trop simple. C'est ça, et là, bah, on avait totalement le cas avec ce personnage-là, vu qu'au final, à la fin, bah. Bon, on sait pas quelle phrase il aurait dite, mais si c'est la deuxième, il a totalement perdu l'envie de vivre, vu qu'il avait personne à qui se mesurer. Il avait plus de challenge, il avait plus rien, il avait plus rien pour le faire vivre. C'est ça. Oui, c'est vrai que là le point est vraiment négatif. Ouais, là, c'est. Là, tu te dis au final. Mais ça veut dire aussi que pour. Alors là, on était dans le symbolique, dans le personnage créé, mais y compris pour les vraies personnes, quand elles sombrent. Mais Loubo a vraiment existé. Oui, enfin après, c'est parce que dans l'analyse de psychologique, je veux dire, on peut faire par rapport au personnage, mais on peut le faire par rapport aussi aux addictions de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que quand on ne sait plus comment aller au-delà de ce qu'on a déjà fait, si on commence à sombrer, ben, on se retourne vers soi-même, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de suicides. Oui. Et c'est pas faux. C'est. Oui. C'est sur cette note joyeuse qu'on va On va écouter une musique, oui. Ouais, pour remonter un peu le moral. Ouais. Ouais. Avec DJ Olive. Surtout le titre. Non mais franchement. Mais oui, respirant encore. Mon Dieu, ça va trop bien ensemble. Oui, c'est génial. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de PK Avengers jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Teddy en histoire, moins. J'aime pas trop ce bête. Ah, moi je l'aime bien, je trouve qu'il tape bien où il faut, je trouve. Mais j'aime bien l'histoire sur certaines. Ça va faire des histoires. Tu vois, après, si t'as raté un petit cours d'histoire, on peut réécouter les podcasts. Ouais, j'ai parlé vrai. D'un personnage. L'histoire des trois royaumes de Chine et tout ça. Voilà. Bah, l'histoire de Loubou, même plus, vu que je l'ai plus axé sur lui. Donc ouais, mais t'apprends Loubou, t'apprends Xiao, je sais plus comment. Xiao, hein. Xiao. Xiao, voilà. Mais donc, bon, le plus simple, c'est d'aller sur indestar.fr et on retrouve tous nos podcasts. C'est ça, sur Spotify, Deezer aussi. Etc, etc, il y en a trop. On en passe. Ouais. Oh oui, effectivement, vous retrouvez tous vos potes sur indestar.fr et vous les castez comme vous voulez. Mais toi, t'as retrouvé Tony ? Ah oui, bah je vais vous en parler, de toute façon c'est mon grand copain Tony. Hein. Tony Montana ? Ouais, non, Stark, Tony Montana, non, oh attends. Un peu cher. Ah, c'est Tony Stark. Et Tony Danza ? Ah, je sais pas comment il va lui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Ah. Il doit pas être tout jeune, si, encore. Vivant. Non, Tony Danza, c'était une vedette d'une sitcom. Il a été boxeur avant, et puis il est devenu le babysitter des enfants avec Angela dans la série Madame et Servie. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec Alyssa Milano. Ah, ça je connais. Voilà. Une des trois filles de Charme. Elle était toute petite dans cette série avant de faire plein d'autres choses. Ah, bah okay. Elle a joué dans Charme. Mmh. Ouais. Ouais, elle avait beaucoup de charme après, il n'y avait pas de problème. Ouais. C'était pas ma préférée, moi c'était Paige. Mais chacun sa délire. Et c'était qui jouait Paige? Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. C'est la rousse avec une peau très blanche. À moitié morte. Ouais, à moitié vampire. Oh, ça c'est fait. Ouais. Mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est une actrice un petit peu. Je crois que c'est celle qui jouait dans. Comment ça s'appelle Enfin, je sais plus. Voilà, d'accord. Je sais plus. Voilà. Alors, j'allais le dire. On est très pop culture, ouais, sur ça. Oui. Ouais. Non, ben là, moi, je vous ai dit, je suis addict. Ah, je vous en parlais. Hein ouais. Tony Stark. Attention. Ah, sur qui Tony Stark. Donc, tout le monde connaissant la pop culture sait que Tony Stark est plus connu sous le nom de Iron Man. C'est qui Iron Man? C'est alias Tony Stark. D'accord. Voilà. Merci, Daniel. Dans le Marvel Universe, si vous n'avez pas vu de film du Marvel Universe, ça va être dur. Hein. Ouais, c'est compliqué quand même. Vous confirme. Ouais. C'est sinon, le premier, en plus, sinon Iron Man. Tant pis. Ouais. Hein c'est le premier film en fait qui ouvre le bal du Marvel du MCU. Non, c'est Hulk. C'est Hulk hein, couvre. Ah non. Si. Je crois. Si, Hulk ouvre la phase 3 et après ça. Bon, alors si quelqu'un peut nous éclairer, vous appelez au 0970 407 306. Ah bon, bah tu viens d'allumer la lumière donc ça nous éclaire. C'est normal. Il y a des films Hulk hein, qui sont sortis avant, clairement, mais ils ont rien à voir parce que c'est même pas l'acteur de base, hein, qui est Bruce Banner, je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais regarde Thor. Thor, ils ont changé d'acteur. Bon, tu l'as mais connais, bon, Thor, ça a toujours été Chris Hemsworth. Non, au début, ça a été Brad Pitt. Hein. C'était Brad Pitt au début. C'est pas le même Thor, ça fait pas partie du. Non, mais tais-toi, t'as Thor. Mais bon. Hey, bah, voilà. Michel de sans prénom. Michel ça. Thor. Michel, tais-toi, t'as Thor. Igor Tesgor, je peux pas rebondir. Ouais, alors Tony Stark alias oui. Iron Man. Donc accro Tony, à la tech. Voilà, oui. Tony logique. Stark, voilà, n'est pas un super héros. Il a pas de super pouvoir, pardon, oui. Je me mélange. Et pour avoir des super pouvoirs, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même quelqu'un. Il a quand même quelqu'un de super, un super pouvoir quand même, c'est d'être hyper. Intelligent. Voilà, oui. Et surtout d'avoir la chance d'avoir du pognon pour réaliser tout ce qu'il a envie de faire. En même temps, quand tu peux créer ça, c'est que t'as du. Voilà, je dis toujours que parmi les limites, il y a la technologie puis le pognon. Je crois que. Nous, chez Indestar, on n'est pas dépendant du pognon. On n'en a pas. Oui, si vous voulez faire carrière chez Indestar, sachez que c'est bénévole. Vous n'aurez pas cette addiction. C'est vrai. Ouais. Donc la seule chose qui peut le qualifier de surhumain, c'est ses compétences, connaissances scientifiques, technologiques. Dans le QI, Sheldon Cooper, je crois, est au-dessus. C'est possible. Hein. Alors Iron Man a des super pouvoirs, mais il a des super problèmes, tout le côté addiction. Savez-vous quand même de qui se serait inspiré Stan Lee pour créer Tony Stark? C'est un personnage des années 40, 30, 40, 50. Tu me l'as dit tout à l'heure, mais je m'en souviens plus déjà. Voilà, un milliardaire américain. Je suis sûr un rapport avec Iron, pas directement. Le métal, l'acier. Non, non, mais il a créé. Non, des... l'homme milliardaire. Non, c'est Howard Hughes. Hein? Et c'est, il a copié quoi là-dedans? C'était quelqu'un qui a pris des paris complètement insensés sur la technologie, qui créait des choses alors que tout le monde leur disait, lui disait c'est pas possible. Il y a même une histoire d'un avion en bois qu'il aurait réussi à faire décoller. Enfin, c'est possible. C'était. D'accord. C'était aussi ce qu'on appelait un playboy richissime, donc un homme à femme. Il faisait des recherches, des essais. Howard Hughes, il s'appelait. Ouais. C'est marrant parce que le père de Tony Stark, il s'appelle comment? Howard, justement. Howard est-ce Stack. Que ça serait pas un clin d'œil? Si, je pense, je pense. Et Howard Hughes a fini sa vie complètement drogué, shooté, ivrogne. Mais il était tellement immensément riche à l'époque, il était milliardaire, il en avait très peu. Donc il se serait inspiré de ça pour inventer le, complètement. Le perso d'Iron complètement. Man. Alors Iron Man, dans les comics, dans les bandes dessinées, lui, est, bon, ses addictions, c'est un ivrogne, c'est un drogué. C'est un pocheron. Complètement. Il passe son temps à ça. Et il y est un petit peu quand même dans les films, par moment. On va boire un verre vite fait. Ouais, hein. Il y a quand même des films Iron Man où tu te vois complètement. Bien, bien square. C'est. Voilà. Il crache pas sur la bibine, hein, comme on dit. Dans le 2, tu le vois. Moi, j'ai on voit que d'en créer toutes ces armures, je crois, à un moment, il... Oh non, je sais. Ah si, lors d'une soirée. Oui. Oui, ah bon, oui, mais il fait juste une soirée. Ouais, non, mais bon, il sous-entend que les démons sont revenus, donc. Oui, les démons de minuit. Ouais, par exemple. Oui. Voilà. Oui, et puis on le voit toujours entouré de femmes comme Howard Hughes bon, avait sa, cette réputation. Ah, comme tous les playboys millionnaires. Voilà. Millionnaires. Ah, et oui, je vous disais, donc dans les films accro à la technologie, pourquoi Alors, on le voit, alors, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Alors, déjà, bon, il a été diplômé du MIT, Massachusetts Institute of Technology, à 17 ans. Ouais. Que, quand même. Tranquille. Voilà, université, Fiji. Voilà. Donc leur diplôme c'est l'équivalent d'un master 2 en France, donc bac plus 5. Ouais. Voilà, c'est voilà, à 17 ans. Hein, ouais. Au lieu de 22, 24 comme la plupart des gens. Voilà. Ouais. Il a un peu d'avance, on va dire. Alors on le voit, alors comme je disais, il a un penchant pour l'alcool. On le voit qu'il, bah, qu'il s'occupe lui-même de ses voitures. Oui. Ouais, il les, ouais, il les répare, il les règle. Il construit sa première armure dans une grotte avec trois fois rien, avec un bout de ficelle. Ouais, avec sa bite et son couteau presque. Hein. Il crée, il fabrique un réacteur, un mini réacteur ERK dans la grotte aussi. Le réacteur ERK, pour ceux qui connaissent ARC. Pas, c'est ARC. Non, ARK. Moi, j'aime bien dire ARC. Non, mais l'ARC, c'est l'évolution du ARK. Oh. Voilà. Et ben ARC après. C'est ARC aussi, mais ARC, il y a l'ARC, l'ARC ARC et l'ARC ARK. D'accord. Et donc c'est pas une vidéo, t'es dit ARC. Voilà. Hein? Et c'est pas le jeu vidéo. Voilà. Si, c'est bien ça. C'est pas l'arc aussi avec les flèches. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc il construit ça. Alors c'est un réacteur qui fournit une énergie. Pas illimitée, mais quand même. Avec, et à partir de quoi on n'en sait rien finalement, parce que ça tourne tout seul ce machin. D'accord. Hein, magie. C'est comme bien. Hein. Oui, ouais, magie, bien. Magie. Les idées à Tony ont du génie. Voilà. Voilà, donc il fait ça, il... Alors il bidouille toujours l'électronique, l'informatique, ouais. Il est spécialiste en biotechnologie. Il invente une IA, Jarvis. Oui. Ouais. Qui deviendra peut-être même plus qu'une IA au bout d'un moment, mais bon. C'est... Oui. C'est presque le copain, le confident. Hein, ah, Jarvis. C'est ça. Il, bah, c'est ça, il donne même Jarvis, une... Enfin, ouais. Je trouve qu'il a une personnalité, Jarvis. Quand même, pour une IA, il est vachement à la technologie. Enfin, il est pointu. Il a avancé. Ouais. Bah ah ouais. Ouais. Il fait même des propositions, il surveille. Mais il... c'est ça. Tony, il fait pas n'importe quoi, t'as plus que 5% dans ton armure, redescend. Mais non, je veux aller plus haut, je m'en fous de tes avertissements. Ouais, enfin, c'est ça, ça se passe comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Et alors, dans le. Alors, moi, il y a une scène que j'adore dans le 2, c'est quand il construit son accélérateur de particules dans le sous-sol de sa maison. Là, avec le truc là, qui est en grand cercle, t'as l'agent Coulson là, du Shield qui arrive. Ouais. Avec le bouclier de Captain America. Et, ah, oui, je... et donc il voit Coulson, il dit ah, c'est justement ce qu'il me fallait. Donc il prend le bouclier, il le pose en dessous des tubes de l'accélérateur de particules. Ça sert de quel pied ? Voilà, il ça, regarde, il dit c'est bon, ça va, c'est bon. Et puis paf, il fait fonctionner, c'était droit, c'était. Excellent, voilà, foutage de gueule. C'est un petit gag. Alors. Quand même, pour dire, sur quoi je me base pour dire aussi qu'il est accro à la technologie, par exemple dans, dans Iron Man 3, celui-là où il rencontre un gamin qui est dans sa grange et qui bidouille oui. Bah avec les moyens du bord, oui. Finalement. Un lance-patate. Hein. C'est, oui. Voilà. Lance-patate, ouais. C'est un peu moi, il bidouille avec les moyens du bord, mais bon, c'est le gamin qui l'a rencontré. Parce que toi, t'es plus un gamin non plus. Si, si, quelque part, je suis un gamin, mon corps. Ah bon ? Ouais, vous l'entendez tous les jeudis soirs. Ouais. Ah. Sur Indestar. À un moment donné, donc, l'enfant, il voit que Tony Stark va pas très bien et il dit « Ça va pas ?» Tony, il répond « Ouais, je suis angoissé. » Puis alors, t'as le gamin qui répond « Bah alors, bricole quelque chose, ça va passer. » Voilà. Vrai. Donc, voilà, c'est... Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il bricole quelque chose. Et là, oui, il... voilà. Et après, on le voit aller acheter tout un tas de trucs dans le supermarché. Parce du coin. Parce qu'il était un peu en dépression, quand même. Voilà. Et après, ça va. Donc, il se met à bricoler. Donc, voilà, quand je parle d'accro à la technologie dans ces films, on a la réponse surtout dans le 3. D'ailleurs, après, il va lui offrir un super lance-patate Mark III. Un truc du genre au gamin, ouais. Au Sarbazooka. Ouais, avec l'atelier complet, avec, ouais. Avec tout ça. Ouais. La totale. Ouais. Il y a peut-être une autre chose auquel il est peut-être un petit peu addict dans les films, alors c'est au moins une passion ou un plaisir, c'est que la plupart des musiques... Non, la plupart des musiques, c'est assez décès. Et quand ouais. Il le parle, qu'il demande quelque c'est chose. C'est rock'n'roll, tout ça. Voilà. Ouais. La plupart. Alors, Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que les musiques du 2, c'est que des musiques d'ACDC. Alors, je dis peut-être une bêtise. Mais d'après ce que, les recherches que j'ai faites... Tu veux dire que t'es peut-être addict aux bêtises ? Ah bah ça oui, il y a longtemps, bah, ça, je crois que... confirme. Mais bon, il a le droit d'aimer la musique. Parce qu'il a dit, je sais pas, mais ouais. Voilà. Non mais c'est... Voilà, c'est curieux. Et quand il fait des références musicales, c'est très souvent d'abord, le peu qu'il fait, c'est très souvent d'abord ACDC. Même assez souvent quand il arrive dans les autres films Avengers, c'est toujours sur du ACDC. Oui, t'as toujours une musique un peu rock. Mais ça colle bien au personnage mais en même temps. Ah oui, complètement. Voilà. Avec. Donc, non, par contre, ce qu'on peut voir dans le 2, notamment, pour revenir aux addictions, en fait, dans le 2, il va se mettre à créer une armée en fait, d'armures. D'armure. Oui, plein d'armures. C'est joli, ça fait joli. Va, avec plein de. Comment de dire spécificités. De spécificités. Il y en a une, je sais pas, qui reste sur Solo, une qui. Enfin, bref, des spécificités. Pourquoi il est créé parce que c'est la, là, en fait, dans le 2, dans Iron Man 2, on est dans la suite de, du film Avengers. Ah, je croyais qu'on était dans la suite du 1, moi, c'est dans le 3. C'est pas faux non plus. Mais du coup, il a. Comment dire. Il a un peu flippé sa race à cause d'une invasion extraterrestre qui se passe dans Avengers. On n'est pas sans savoir. Il y a un grand portail, il y a les Chitauri qui traversent le portail, qui veulent envahir la Terre, voilà. Mais qui ils sont là, les Avengers. Les Avengers, ils sont 5 ou 6 à tout péter et ils arrêtent l'invasion. Donc normal, 3 hein. Humains dans l'eau. Voilà. Oui, puis des humains vraiment de base. Voilà. Un gars qui tire des flèches. Je suis désolé, Romain Desbois, il n'arrête pas une invasion. Non. Bon, donc Iron Man, ça l'a marqué en fait dans son esprit. Il est pas terrorisé, mais là, il s'est créé des angoisses en fait. Il a peur maintenant de. Ouais, mais c'est ça. Il a des crises. Il a peur de que ça recommence, de tout ça. Et c'est ça qui va le motiver en fait à créer encore plus de technologies. Ouais, ouais. Tu m'as regardé bizarrement, c'est que je viens de voir Jade l'araignée descendre. Ah bon? Ouais, là, elle est juste, où l'araignée? Elle est devant toi, elle doit être un peu partie, mais elle était devant toi. Oh non! C'est pas grave, elle est partie dans le clavier. Ouais, c'est ça comme la semaine dernière. Coucou Jade, voilà. Donc, il va se mettre dans sa passion toute son énergie par peur. Tellement que ça sortait de mental. Ça. Ouais, voilà, c'est pas, il va pas bien en fait au début du 2. Ouais. C'est dans le 3 par contre, t'es dit. Non, c'est dans le 2. Dans le 2 où qu'il a. Ah si non, c'est dans le 3. C'est dans le 3. Vu que le 2 c'est avec Oui, c'est avec le gars avec ses fouets. Oui, c'est avec Whiplash. Oui, c'est ridicule. Oui. J'aime pas trop d'ailleurs. Il est nul. Mais... Non, mais par contre le résultat est rigolo. Paf, un coup de fouet, il te coupe la bagnole en deux, c'est rigolo. C'est marrant. C'est oui, fun. Mais c'est dans le 3. Ouais, oui, c'est fun. C'est fun. Bon, ça laisse des traces. De légère. Faut pas amener Sanissa Sansa. Mais bon. Et on voit d'ailleurs à la fin du 3 qu'il aura fait un peu comment dire, il aura été un peu guéri de la technologie parce que par exemple dans son corps il a un petit réacteur arc qui empêche des éclats de shrapnel un machin comme ça des éclats de grenade shrapnel. D'aller vers son cœur. De base il aurait pu se repérer pour les faire enlever. Mais il a décidé de garder son aimant, hein, parce que le réacteur il sert d'aimant surtout. Bon, ça produit de l'énergie, mais on s'en fout. Hein. C'est comme ça qu'il fait piou piou piou. Voilà. Hein. Alors, très beau bruitage de ta part, Teddy. Piou piou piou. C'est ridicule. On fera un jingle. Le jingle piou piou piou. Je suis Iron Man, piou piou piou. Enfin bref. À la fin du 3, il se le fait enlever. Il décide enfin de. Pas d'abandonner un petit peu la tech, pas du tout. Mais il va relâcher un peu de pression, j'ai envie de dire. Il va relâcher un peu, il va se calmer, il va redescendre d'un cran. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va jeter son petit cœur symbolique, hein, du coup, il va le jeter, je crois, à la mer. Mais non, il va le récupérer, je crois. Non, il va le jeter là où était son ancienne maison. C'est ça. Ouais. Ah. Putain, j'ai dit, oh, ça fait longtemps. Oh, sur cette maison, ils l'ont cassée. Oh, elle était oui, belle, bah, t'es chouette. Hein. La maison à Malibu, ouais. Sur un bord de falaise que tout le monde veut. Ouais, c'est ça. Ah moi bon. Aussi, je la voulais, mais bon, comme personne je disais. Personne l'aura maintenant. Voilà, de toute façon, j'avais pas les moyens, comme je disais, donc je peux pas l'acheter. À flanc de coteau, je crois. Non, c'est carrément sur le bord en haut du. Carrément. C'est dans le vide. Hein. Puis t'as des colonnes là, qui en dessous là, pour, qui soutiennent la terrasse, l'avancée en terrasse. D'ailleurs, dans le début du 3, il y a un hélicoptère qui vient. Il dit bonjour et il tire. Hein. Ah, c'est ça. Il dit pas bonjour, il tire d'abord. Ah, et il détruit toute sa maison. Pourquoi il est pas poli? Il a pas dit bonjour, le petit coup. Non, c'est des méchants. C'est des méchants. Ah, méchant. Commandité par le mentor. Par le grand méchant. Oui. Mandarin, quand tu portes un nom de fruit. Piou piou piou. Ouais, bah, il a fait piou piou piou. Un méchant arrive. Piou piou. On va passer une musique. Ouais, ouais. Non, je sais pas. Piou, piou. Il y a une chanson comme ça. Piou, piou. Est-ce que tu connais le nom de l'addiction à la technologie? Parce qu'il y a des addictions, ça porte des noms. Non, je connais pas. C'est vrai? Ouais. Bah, je le dirai pas parce que c'est dans le quiz. Donc, veux-tu écouter une musique? Bah, oui. Si je te On dis... est sur une des stars, donc. Oui, c'est mieux. Si je te dis Dua Lipa et Angèle. Ouais, bah, à l'époque qu'il fait, Angèle, Angèle pas, hein. Moi, je te dis, pas, non. Je te dis Paris-Venise, Fever. Paris-Venise, ouais, qui qui l'a repris avec le titre Fever. C'est la fièvre, ouais, c'est la fièvre de Paris-Venise. Peck Avenger, c'est comme. Dans GTA. Ain't that right, Big Bang? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Mais en différent. Ouais, un petit peu. J'ai rien compris. Bah, tu connais pas Trevor? Si. Ouais. Ah, c'était Trevor, ça? C'était Trevor, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Addict un peu à la violence, je dirais. Ouais. Enfin, addict. Je sais pas, addict, lui, le terme. Hein, c'est... Alors, et taré! Un peu, c'est pas le terme non plus, je dirais. Ouais, beaucoup. C'est vrai. Ouais. Il a défoncé une peluche avec. Je dirais pas avec quoi. Mais bon, voilà. C'est Trevor, quoi. Mmh, c'est ça. Thierry? Toi, t'es pas fan des peluches? Enfin, pas à ce point-là, en tout cas. Ah, les peluches... Quand elles sont bien faites, oui, pourquoi pas, mais... si, enfin, il y a certains personnages qu'on a pu voir dans des dessins animés, choses, etc. Ça, quand on les voit en peluche, on se dit, ah ouais, c'est sympa. Bon. Mmh, c'est j'en ai quelques-unes, hein. Non, pas que pour les chats. Moi aussi, hein. Moi aussi, vous avez vu l'autre fois, là... C'est vrai, quelques-unes. Ouais, il y a du stock. J'ai même gardé très longtemps un titi qu'on m'avait offert pour mon anniversaire et la dame qui m'avait offert, une amie m'avait dit tu sais je l'ai trouvé en brocante, mais c'est tellement sympa de m'offrir un titi parce que je suis fan, effectivement je l'ai gardé très très longtemps. Il est devenu orange. Non, en fait je crois qu'il est encore dehors, il doit être tout vert à force d'avoir pris la pluie et je crois qu'il est encore accroché dehors. Oui. C'est un titi en tenue de camouflage pour que les robinets le repèrent pas. En tout cas j'avais apprécié le geste. Ouais, bah... y a des stars qui apprécient pas trop les gestes de certaines personnes, hein, notamment leurs fans. Alors oui, qui apprécient pas, mais faut-elle qu'elle soit au courant. mais si on va, si les fans vont à l'extrême, elles cherchent à les mettre au courant puisqu'elles attendent de la reconnaissance. Hein. Bien sûr. Oui. Moi, je pensais à quelque chose. En fait, je me disais tiens, avant quand on aimait bien les choses, on disait tiens t'aimes bien telle chose. Ah ouais, je suis fan. Et couramment ça. Aujourd'hui, on dit je kiffe quoi. Mais bon, on disait je suis fan sans forcément mesurer que fan ça vient du mot fanatique et que là quand on parle d'un seul coup c'est moins top. Quand on parle de gens qui sont fanatiques, généralement on pense à des gens qui sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de quelqu'un, hein, ou quelque chose comme ça. Fanatique, ouais, ils ont pas de limite. C'est pas fou. Dans leur adoration et tout ça. Bah, c'est ça. Donc en fait, si on réfléchit un petit peu à ce que c'est qu'un fan, à la base on peut se dire que c'est pas forcément négatif parce que admirer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que soi-même, ça permet de dépasser le narcissisme et puis ça permet d'avancer, c'est-à-dire que vous êtes attiré par autre chose, donc vous essayez éventuellement d'aller plus loin, de progresser, hein. Vous intéressez à autre chose, donc vous êtes dans l'ouverture. Voilà. C'est ce qu'on pourrait effectivement. Et en plus, ça vous procure une certaine joie. Hein, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'enthousiasme, hein, le fait d'avoir envie de faire les choses. Parce que le terme enthousiasme, moi j'aime bien le voir parce que un jour on a eu un cours, on nous a dit, vous savez, on utilise enthousiasme à toutes les sauces, en fait, comme quelque chose de très positif. Mais à la base, le mot enthousiaste, ça veut dire possédé par les esprits. Donc c'est déjà qu'on n'est plus soi-même. Vous voyez qu'on est déjà un peu fou. Donc le mot enthousiaste, il faut se. Voilà. Dis donc, j'ai l'impression que ce soir, on va revoir notre vocabulaire d'une autre façon. Ah non, mais c'est vachement intéressant les sens premiers des mots parce qu'on se rend compte qu'à force de les user, en fait, de les user, on les use, voilà, c'est ça, hein, de les usager. Hein. À force d'usage, on use, on perd l'essence. Mais donc, à la base, être fan, être groupie de quelque chose ou de d'autres choses, parce que c'est vrai que c'est des phénomènes de groupe, hein, c'est peut-être pour ça que ça a donné le nom de groupie, voilà. Ce genre de truc. Ça donne des fan clubs. Oui. Hein, voilà. Mais on peut simplement dire oh, j'aimerais bien avoir une photo dédicacée ou des choses comme ça. Ah, je reprends. C'est vrai. Hein, on a gardé le vieux terme fan club. On dit pas je suis au kiff club. C'est vrai. C'est ça qui est marrant aussi. Tu te dis ouais, on dit peut-être on kiffe, mais par contre, on utilise encore le mot fan. Voilà. Fan club, c'est vrai. C'est ça. Donc ça va, en fait, être fan, ça va de la simple reconnaissance du talent de quelqu'un qu'on admire, hein, ouais. ou de ça peut être de quelque chose, bon, peu importe, jusqu'à une pathologie. Parce qu'on se dit, si on finit par ne plus vivre dans la réalité, mais qu'on finit par dépendre de cette relation, en plus ça des choses que vous imaginez, c'est même pas du réel. Là vous êtes dans ce qu'on appelle l'érotomanie, vous pensez héros, héroïne, ouais. En plus, mais bon, ouais. Non, ouais. héros comme érotique, c'est ça être fan d'une figure assez célèbre. Je pense que ça doit être ça en fait. Ah, érotomanie, ça n'a rien à voir avec l'érotisme. En fait, vous vivez à travers un autre. D'accord. Ah ouais. Vous vivez plus pour vous, hein. mais à travers un autre. Et j'ai un cas. il y en a plein. Mais bon, vous voyez, voilà, le côté fan, ça peut aller de très positif à très négatif. Hein. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte quand on commence à être déconnecté de la réalité. Alors, c'est peut-être là que l'entourage peut faire quelque chose, mais en même temps, quand il est trop tard, l'entourage ne peut plus rien. Hein. Si on est vraiment aveuglé, on va rejeter tous les gens qui vont vouloir vous remettre sur le droit chemin. Et plus on les connaît, plus tu les rejettes. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, les côtés positifs, c'est se remettre en question, avancer, et un peu de joie éventuellement. Et puis, le côté négatif, c'est déconnexion par rapport à la réalité. Alors, je suis allé voir un petit peu, parce que je me suis dit, ah oui, généralement, quand on est fan de quelque chose ou quelqu'un, on se met à collectionner. Hein. Il y a eu un reportage sur une certaine Margaret pendant les 70 ans, là, le jubilé de la reine d'Angleterre, là, car on est à 70 ans de règne, et on a vu une Margaret en Angleterre qui, dans sa maison, avait toutes ses pièces remplies d'objets par rapport à une certaine époque qui avait concerné la reine. Mais alors, c'était plus sa maison, quoi. C'était la maison, quelque part, à l'effigie de la reine. Et elle est tellement connue que, bon, il y a tellement de pognon aussi, que les à chaque fois qu'il dégote quelque chose par rapport à la reine, il l'appelle et puis elle achète et elle rajoute chez elle. Mais on pouvait même plus circuler tellement il y en avait, quoi. La reine n'y foutrait pas les pieds non plus. Oui, en plus, si ça se trouve, la reine n'y est même pas allée. Je crois qu'on nous, si on nous, on nous a mis une photo où elle a réussi à la rencontrer pour lui offrir je sais plus trop quoi, mais en fait, bref rencontre. Et oui, tu vis ta passion sans forcément que la personne soit au courant. Mais comme tu disais tout à l'heure par rapport aux chaussettes puantes ou à d'autres choses, hein, le ça peut être un objet, hein, ça, c'est pas forcément une personne dont on est fan, hein. Alors moi je vais chercher les objets que certaines personnes avaient acquis à des sommes assez astronomiques, ouais. Et on a vendu par exemple aux enchères des mèches de cheveux. Alors on l'a fait pour plusieurs personnes, mais alors ça atteint des sommes assez astronomiques. 14 000 $, environ 11 500 € pour 6 mèches de Kurt Cobain quand il est décédé. Des mèches de cheveux, ouais. Voilà. De personne morte. Juste pour des mèches de cheveux. Alors tu te fais profaner le tombeau. Pardon. Mais oui, c'est cher les cheveux, hein. Surtout que tu peux avoir des perruques meilleures. Hein. Alors ça c'était pour fait cher la perruque, t'as donc raison, c'était, hein. pour un chanteur mort. Alors peut-être en plus le fait d'être décédé, ça devait peut-être rajouter de la passion. Après, je sais pas trop quoi. Mais Remarque, t'as ça, mais je me rappelle d'un truc aussi, papa, par rapport au catch, où il y avait eu un combat où le but c'était d'enterrer l'autre. La compagnie avait carrément revendu la terre qui avait servi. Donc ça va loin quand même. C'est aussi un business, hein. Ouais, ah, c'est que... ça va loin quand même. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été vendu par la star, en fait. Hein. D'autres qui en ont profité. Justin Bieber, qui n'est toujours pas mort. En fait, Justin Bieber, il a offert quelques mèches à une présentatrice, je crois, de TV. Je n'ai pas noté son nom, mais il me semble que c'est ça. Elle a fini par les revendre 40 000 $, donc 32 800 € en 2011. Elle avait peut-être besoin de se faire un bon resto. Peut-être. Non, mais t'imagines le business, tu vends juste tes cheveux. Tu vends des petites mèches comme ça, alors tu te mets la boule à zéro, tu vois, parce que. Je deviendrai pas riche, hein. Bah, toi, non. Bon, essaye la barbe quand peut-être, même. Toi, peut-être que la rareté fait peut-être des enchères. Sinon, t'as peut-être encore quelques poils de cul. Bon. Je suis sûr qu'un poil de cul de Justin Bieber, ça peut valoir cher. Surtout si ça sent. Attends, il y en a qui vont faire des slips à Justin Bieber. Les slips, les choses, n'importe quoi qui appartient. Et c'est là qu'on peut se rendre compte de la dangerosité d'être addict ou fan hardcore, entre guillemets. C'est qu'on se met à faire n'importe quoi. Mais bien sûr. À accrocher des bananes au mur. Oui, et genre si tu en viens à acheter des slips sales d'une personne par exemple, l'eau du bain, c'était très célèbre ça par moment. Il y avait des youtubeuses et tout ça qui vendaient l'eau de son bain. Là, la dernière en date, c'est, je crois, c'est Ruby, je sais plus quoi. Notamment parce qu'elles avaient versé un flacon de Chanel ou des choses comme ça dedans ou je ne sais quoi. Ah non, elles se sont juste masturbées dedans. D'accord. Non, non, c'est. Ah bon, d'accord. Ah, mais non. Ah, je me suis beaucoup amusé, voilà, c'est l'eau de mon bain, je la vends. Si vous faites partie de ce genre de groupe, appelez-nous. On aimerait bien avoir un témoignage, en effet. Écoutez, ouais, c'est une soirée chaude, alors tant qu'elle est chaude. Oh. Bon. Non, mais ça me rappelle aussi le sujet que j'avais fait sur Renaud qui disait qu'il collectionnait dans sa collection. Poils de cul. Sur Gainsbourg, il avait des mégots de Serge Gainsbourg. Ah oui, oui, oui. Oui, ouais. oui je crois qu'il y a un tableau fait avec les mégots de Serge Gainsbourg qui a été vendu une fortune. À vérifier, il me semble que c'est ça. Sur les cheveux, il y a eu aussi les cheveux de David Bowie là, qui est mort en 2016. 18 000 $. J'allais rajouter un zéro, vous voyez, pour quelques mèches. Bon, bref. Mais dis-moi, il me vient une idée là. Pour gagner un petit peu de sous au niveau d'Indestar, est-ce que tu crois que je pourrais mettre une mèche de mes cheveux aux enchères? En tout cas, mets-les de côté. Et puis, quand tu auras fait quelque chose. Non, mais ça peut être ça, c'est en préventif. C'est comme les gens qui collectionnent toutes sortes de choses, qui se disent un jour ça vaudra de l'or et je revendrai. T'imagines, là j'ai une boîte à la maison. Eh, c'est mes cheveux, au cas où un jour ça coûte des sous. Je passe un petit con. Investissement pour le futur. On parlait tout à l'heure de fétichisme par rapport aux chaussettes sales. Alors, c'est pas forcément besoin d'être sale, je ne sais quoi, mais bon, il y a des fétichismes par rapport à tout. Fétichisme par rapport au basket. Alors, moi, je ne vais pas vous parler du basket sale, oui, mais il y en a aussi. Mais voilà, parce que les Yeezy de Kanye West, au début, c'était un seul exemplaire. Donc, on voulait tous acheter l'exemplaire unique qu'il avait porté au Grammy Awards de 2008. Et donc, il y en a un, je crois que c'est même une asso qui les a acquises pour 1,8 million $. Ouais. Bon, et puis après, dans les années suivantes, on les a tirés à des millions d'exemplaires. Accessoires de sportifs. Ça a un marché, alors surtout en Amérique, il y a un marché énorme. Ouais. Bah les bagues de Super Bowl, tout ça, les chaussures, Jordan. Les Air Jordan 1, et bien 615 000 $ en août 2020. La veste rouge de Michael Jackson qu'il a portée dans Thriller, vous savez, le clip dont on a parlé dans l'émission, 1,8 million $. Bon, c'est pas mal, hein. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas de l'argent pour Michael Jackson, hein. C'est vendu après ça. Je dirais pas que c'est un peu dans le vide, mais c'est vrai que c'est pas. Franchement, c'est un manteau. C'est juste le fait qu'une personne l'ait porté qui ── װװװ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����### qui les acquièrent et qui les mettent dans des musées ou qui les lèguent, vous savez, pour que ça soit exposé, pour pas que ça soit dispersé. Faut avoir la thune pour le faire, hein. Faut mais s'appeler après, Tony, hein. Oui, on peut se demander pourquoi un particulier tient absolument à avoir cette touche. Alors peut-être parce qu'il est unique, oui, pourquoi pas. Mais mettre 1,8 million $, c'est quand même pas rien, quoi. C'est une somme. La guitare de Kurt Cobain, en fait, qu'il avait utilisé pour son Unplugged, je crois, hein, son super album, là, 6 millions $. Alors, une guitare qui n'a pas été pétée, je précise, parce qu'on peut avoir peut-être acheté des guitares qui ont été pétées, mais non, celle-là était intacte. 6 millions, j'avais pas encore entendu de prix aussi élevé pour une guitare. C'est pas mal, ça fait cher la corde, comme on dit. Dans les comportements extrêmes, donc on a ne vivre que pour celui qu'on admire, hein, ne même plus vivre sa propre vie, même plus sortir, tout penser par rapport aux autres. On fait une soirée, on diffuse que de la musique de celui qu'on aime. On fait chez tous ses amis dans les soirées. On a le cas avec Théo. Hein, oui. Et Anna Free. On ne porte que des vêtements par rapport à ça, enfin toutes sortes de choses. On ne mange que ce que la star mange. Enfin, ouais. Bon, j'aimerais voir Théo habillé en Anna Free. Oh, ça pourrait être drôle. Elle va être bientôt enceinte en plus, donc parler enceinte, je crois. On dépense ses moyens et on va même au-delà de ses moyens, on s'endette. Parce qu'on achète des objets, parce qu'on voyage aussi, parce qu'on veut aller à tous les concerts, tous les événements, on veut aller à l'hôtel où est passée la star, voire même louer la chambre après elle, enfin bon, des choses assez dingues. Alors qu'Anna Free, on a un peu rien à faire de voir Théo à tous ces concerts. Et puis ce qui est, ça encore, la star peut-être, je sais pas, mais ce qui est pire, c'est quand on va jusqu'à harceler la star en disant, si je sais que dans ses chansons, il y a des messages pour ça, et donc je veux qu'elle reconnaisse cette star qu'elle m'aime. Oui. Donc je vais la harceler et je peux aller jusqu'à la tuer parce que je ne veux pas que les autres l'aient. Ouais. Ou je vais jusqu'à tuer les autres qui se mettent sur le chemin. Et là, vous allez voir des fictions. Allez voir par exemple le fan avec de Niro qui va enlever un enfant d'un joueur de, je sais plus de quoi d'ailleurs, de sportif célèbre, mais enfin bon, qui va s'immiscer dans la vie. Et je sais plus dans quel autre film où il y a quelqu'un qui tue. En fait, tous les gens qui osent contredire pareil une star, ouais, c'est un pas sportif, chanteur. Ils vont mais sans avoir demandé en fait à celui qui est admiré, quoi, il va tuer tous les gens qui se mettent sur le passage. C'est bon, c'est peut-être des fictions, mais dans la réalité on peut imaginer. C'est toujours inspiré de faits. Il y a eu des stars qui ont été assassinées, hein, donc ouais. Bon voilà, pensez aux Beatles entre autres. Moi j'ai vu un reportage là dans la télé-réalité là sur Pierre, quelqu'un qui s'appelle Pierre, et en fait Mylène Farmer dans une de ses chansons, il y avait le mot Pierre, et Pierre est persuadé que ce mot Pierre était destiné à parler de lui, et donc il s'est dit qu'il allait épouser Mylène Farmer, que Mylène Farmer elle l'aime. Ah oui. Et je l'avais vu, je crois que c'était un truc genre tellement vrai ou quoi. Oui, et il a fait croire à tout le monde qu'il va l'épouser. Et en fait, il gâche la vie de ses amis parce qu'il rabâche ça sans arrêt, puis il gâche sa propre vie. Ouais. En fait, il a juste réussi à rencontrer une sosie de Mylène Farmer. Il a été sous le charme, mais je pense que la sosie avait déjà un peu peur du personnage parce que, ouais, il est parce que tu ressembles à quelqu'un d'autre. C'est un peu le syndrome dans ce qu'il imagine, de la mauvaise rupture. Donc moi je voulais vous demander là comme ça pour terminer, faire un petit peu débat, pour qui et pourquoi en fait êtes-vous fan ou seriez-vous éventuellement fan, et jusqu'où pensez-vous que vous pourriez aller? Est-ce que vous êtes fan de quelque chose? Est-ce que vous pourriez devenir fan de quelque chose, et jusqu'où iriez-vous? Daniel? Moi? Fan, quand tu parles fan de quelque chose, c'est de quelqu'un plutôt? Ouais. Alors si tu es dépendant des chaussettes sales ou de je sais quel autre truc dont nous avons parlé, mais après tout, moment tu fais une collection d'objets, tu peux t'interroger pourquoi je fais une collection. C'est pas forcément crade ou je ne sais quoi ou déviant, peu importe. Hein. Mais est-ce que t'es fan de quelqu'un ou collectionneur de quelque chose? Si on parle alors collection, oui, je collectionne pas mal de choses, mais surtout, alors on va revenir sur la pop culture. Vraiment, ce qui est objet qui représente carrément des personnages de la pop culture. Donc vous l'avez vu l'autre fois par exemple avec les peluches. J'ai donc des fans de goodies de pop culture. Ouais, on peut dire un peu ça parce que bon, il y a plein d'autres choses. Là, quand on vient chez moi par exemple, il y a plein de gens, les verres, comme on dit, des beaux verres en cristal et tout. Moi, les verres à la maison, ça va être les verres à moutarde avec Astérix dessus ou carrément, si t'en veux des grands, ça va être les Coca-Cola. C'est des trucs comme ça. Hein, c'est, ouais. Voilà, t'as du Star Wars qui traîne à droite et à gauche. T'aimes voilà. Les goodies. Oui, non, mais oui, je trouve que ça, au lieu de faire une décoration, ça fait une déco simple et qui est pas. J'aime pas ce qui est trop pimpant, voyant. Et quelque part, ça ne se démode pas. En plus, oui. Et c'est du dépareillé qui ne se démode pas. Et tous les gens. Coca-Cola, il y a un vrai marché là-dessus. Ouais. Bah, c'est ça. Et tous les gens qui viennent à la maison me disent « Ah, c'est vrai que c'est sympa. » Ça change. Des verres. Et j'ai même... bon, il y a des trucs qui ne sont pas en fonction des meubles, de ce qu'il y a dessus, de... Voilà, c'est même quelque part intergénérationnel parce que enfin les gens de notre âge, même les plus âgés et les plus jeunes, ils connaissent, ils ont titillé d'autres. J'ai aussi choses. Bien aussi une collection de il y a une centaine de personnages Pokémon aussi qui sont oui, sur une petite. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a une centaine de petits Pokémon. Bon, c'est les petits trucs qui des valent petites figurines, ouais. un euro pièce, même pas. Hein, ça vaut trois fois rien. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas bon, la valeur ça. Monétaire là voilà. Qui a de l'importance. Non, mais c'est pour dire que bon, il y en a que je mets pas de l'argent dedans. C'est alors soit des trucs qui me sont offerts, soit des trucs que je récupère ou que j'achète sur les brocantes à vraiment un prix dérisoire. Voilà, un prix dérisoire. Bon, je mets pas d'argent dedans. Mais oui, quand on vient à la maison, il y a tout un univers, on découvre un univers pop culture. D'accord. À côté de l'atelier, de la cuisine, qui sont mes autres passions. Voir l'addiction pour le bricolage. Moi, j'étais en train de penser, en fait, je me disais, ouais, j'aime bien les chats, mais pas au point de me laisser dépasser. Mais je connais. Tu serais prêt à aller loin pour les chats? Je connais sans avoir les noms des personnes, etc. Mais je saurais trouver une maison où il y a énormément de chats parce que la personne est tellement passionnée que le moindre chat qui se présente chez elle, elle l'adopte, quoi. Et après, elle se laisse dépasser parce que ça refait des petits, oui. Ça ramène. Et puis, plus vous en avez, plus ça attire d'autres, etc. Là, et elle ne sait pas comment s'arrêter. Oui. Baltrap. Je plaisante évidemment. Mais ça ou d'autres choses, c'est ça qui me venait. Par contre, très sérieusement, j'ai eu l'occasion de discuter. Alors, vous m'excuserez, c'est juste une petite aparté. Je ne sais plus si on dit un ou une d'ailleurs. Et j'avais un client qui était vétérinaire et on en arrive à discuter là-dessus. Mais il m'a dit, on est obligé de les stériliser, les chats. Sinon, vous vous rendez compte à la vitesse où ça se reproduit, où il y en a vu que... Voilà. Tout à fait, voilà. Il y a un schéma qu'on trouve facilement sur internet où vous voyez une espèce de, vous savez, d'arborescence en fait, où vous avez deux chats qui se rencontrent, qui font donc des petits, qui les petits peuvent recoucher d'ailleurs avec les parents ou entre eux et refont des petits. Et en 4-5 ans, vous avez rien qu'avec deux individus au début, vous en avez 10 000. Comme les rats par exemple, c'est encore plus rapide, mais oui. Et avec la propagation aussi de maladies comme le coryza qui continue. Bien sûr. Si c'est deux chats de base, oui, tu vas avoir un peu plus de maladies que ça, je crois. Oui. Toi, Kevin, est-ce que tu es fan de quelque chose, collection? Alors, ou... Moi, il y a deux trucs que j'aime bien collectionner. Bon, par exemple, les maillots de foot. Ça, ouais. J'adore ça. Ouais. Et puis bon, on va dire après les maillots, on va dire les maillots de catcheurs, tu sais, qu'ils mettent en vente, tout ça. Pas les maillots. Non, mais. Qu'il est con celui-là. Par exemple, il y a un maillot que j'aime bien, c'est celui-là de CM Punk. D'accord. Je viens où t'as les deux bras qui sont en. Qui se croisent. Qui a un éclair. De temps en temps, il y a un éclair dessus. Mmh. Il est un peu jaunâtre. Il y a un éclair, mais pas forcément de génie, c'est ça? Non, c'est pas du tout de génie. Non, c'est pour avoir un éclair de génie en effet sur lui. Mais tu vois, ça, c'est deux choses que j'aime bien, ça. D'accord. Et tu serais fan d'une personne ou pas? Moi-même. Alors. Pas forcément d'une personne, mais on va dire par exemple les maillots de foot, je vais plus essayer d'avoir Atlético de Madrid vu que j'adore ce club. Lorient, vu que forcément. Fan de certains footballeurs ou Je suis déçu, je croyais qu'il allait répondre papa. Non, surtout pas. Il est pas abonné. Non, pas spécialement. Bon, Lorient, vu que j'ai une grande histoire avec ce club aussi. Ouais. Bon, ma grand-mère habitait pas loin d'où est le club de Lorient, donc forcément, le premier stade où je suis allé, bah, c'est le leur. Forcément, j'ai toujours suivi. Puis... C'était un leur? Non, il était toujours à l'heure. Oui, ouais, pour une fois. Mais non, on va dire surtout ça. Pas le choix sur une des stars d'être à l'heure. Oui. C'est pour ça qu'il arrive en avance pour être sûr d'être à l'heure. Moi, je dirais pas que je suis fan de personne, enfin d'être humain en soi. Par contre, en collection. Les Pokémon. Waouh. Je collectionne pas de figurines ou quoi que ce soit. Les accessoires de boulangerie. Non plus. Même si j'ai acheté un mortier pilon récemment. Ça fait de la farine ou des trucs genre. Hein, ouais. Voilà. Putain, piler les graines au marteau pilon. Je dirais que je collectionne les jeux vidéo en physique. J'adore acheter des jeux vidéo sur support CD plutôt qu'en dématérialisé. Ouais. Je suis peut-être un peu l'ancienne école, mais j'aime bien. Non, je suis comme certains DVD aussi. Les films, maintenant, on a les plateformes de streaming et tout. Il y en a certains, jamais. Genre les Disney, enfin Marvel par exemple. Ça sort sur Disney+. Jamais. Je regarde ça là-dessus. J'achète toujours le Blu-ray ou le DVD et voilà. Il est dans ma collection en physique. J'aime collectionner ce type de DVD. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je le fais pas sur tout. Mais il y a certains trucs où tu vas te dire. Ouais, je le veux en physique. Ça fait un moment que j'ai pas acheté, mais j'ai plusieurs centaines de CD. Je ne sais même pas vous dire combien, mais j'en ai beaucoup et c'est un certain plaisir de temps en temps à ressortir le support. Voilà, et feuilleter le petit truc, le petit livret tout en écoutant. Donc le CD, tout ça serait de tirer. C'est vrai que c'est différent d'avoir un objet. J'ai pas connu cette époque. Mais bon, comme je trouve encore agréable d'avoir un livre entre les mains, si j'ai besoin que d'un extrait, ok, sur le net, mais si je veux. Si tu veux, oui, il faut pas le livre. Enfin, le livre sur tablette. Voilà, le livre. Il faut le vrai livre. Mais ouais. Oui, c'est comme. On peut parler, par exemple, de Pierre Champion, qui a lancé sa campagne pour Exilium 2. Selon la contribution que vous allez donner à sa campagne Ulule, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Ulule, vous allez avoir le plus petit montant, je crois. Vous avez juste les scans en fait de la BD, et si vous donnez un peu plus, vous avez le support papier. Ben moi, par choix, je vais forcément prendre le vrai support. Oui, par exemple, en plus, tu peux avoir une dédicace, donc c'est unique quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté satisfaisant à avoir l'objet plutôt que des maths. Et si on donne beaucoup, on a Pierre Champion. C'est vrai. Tu sais, comme dans l'école des fans dans le temps, tu passes une journée avec Pierre Champion. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que j'ai lu sur les fans. Et d'ailleurs, à propos de foot, alors je sais plus, ça fait quelques années que ça a été fait, mais en fait, il y avait un club qui avait récompensé 4 personnes, 4 fans, en fait, qu'ils avaient fait monter dans un bus, en fait, officiel. Oui, donc j'ose imaginer la folie effectivement des fans pour participer au concours. Ça, quoi. Même... Tu peux participer à des entraînements aussi avec eux. Oui, il y a ça, et même plus récemment, par exemple, je vais prendre le cas de la Estrom. Ils se sont fait éclater un moment en match à l'extérieur. Ils sont allés jusqu'en finale et je crois que c'était 170 à 200 personnes qui avaient fait le déplacement pour le match où ils s'étaient fait éclater. Ouais. Bah, la Estrom a dit, bah écoutez, pour nous faire excuser, on vous offre les places pour la finale. Sans excuser parce que tu peux, c'est un peu triste quand même. Non mais disons que bon, tu vois le geste est là quand même. Ils avaient fait un effort, ils avaient mal joué, bon donc voilà. C'était même plus mal joué à ce niveau-là quand tu vois la. Ils avaient raté le match carrément. Ah, c'était 9-1 ou 10-1, je sais plus combien, mais. Tu te considères un peu addict toi au foot ? Alors moi oui, honnêtement oui. J'adore. Est-ce que tu ferais comme ce qu'on a vu là, c'est-à-dire franchir les grillages, acheter des faux billets ? Non. Clairement. Bah, acheter des faux billets, tu le fais pas forcément exprès. Hein, mais... Non, mais non, même sans, non, pas vraiment. C'est une vraie calamité d'ailleurs pour le foot en ce moment, les faux billets. Oui. Mais du coup, en parlant d'addiction, la musique... moi j'ai une musique qui me vient à l'esprit. Oui. On a une musique qui s'appelle Addiction. C'est étonnant, hein. Ah ouais. Ouais. Ah. C'est de Erkan. Erkan, Addiction, On va écouter. Ça fait bim, boum, sac, violon. Daniel, le plus exotique des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul à porter des chemises hawaïennes à temps plein. Oh yeah. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas l'image vu qu'on voyait Daniel qui était en train de se la péter limite. C'était incroyable. Piou, piou, l'oiseau exotique. Ah, c'est marrant, je connais ce bed. Ouais, vous avez pas reconnu le jingle, hein. C'était la surprise. Ouais, on va se foutre sur la gueule. Ouais, parce que là c'est l'heure du quiz. Normalement il y a un jingle Pikachu avant, hein, mais bon, comme Daniel voulait son jingle Daniel, voilà, j'ai pas. Ouais, non mais bon, oui, quand comme même. Comme ça, ça fait un petit changement aussi, c'est pas plus mal quand même de temps en temps. Je peux mon jingle Pikachu. La semaine prochaine il y aura un jingle Pikachu. D'accord, bah la semaine prochaine, ne ratez pas l'émission. C'est vrai. Il y aura un Pika. Oui, il y aura un Pikachu, il y aura même des chanteurs aussi. Oui, Pikachu. Il y aura des artistes. Oui, c'est vrai. C'est Faya. Faya, oui. Le groupe pas Fayot. Non, c'est Faya, David, Fred et Sophie. Ouais. Qui sont des Tourangeaux du sud-est, carrément, qui viennent d'un village qui s'appelle... alors, je ne sais pas si on dit Faye ou Faye la Vineuse. D'accord. Moi, j'ai toujours entendu Faye, alors peut-être que c'est Faye, j'en sais rien. C'est Il y a des failles dans beaucoup de choses. Ouais, il y a des failles quelque part, ouais. Et on les recevra, ça fera du monde parce qu'ils sont 3, donc. Ouais. Plus 3, plus 4, ça fait 7. Ouais, en plus, il s'est compté. On va devenir addict. C'est un très bon chiffre, le 7, en plus. Ah, je ne dis pas ça parce que c'est celui que je préfère. Ah oui, oui, c'est plein de symboles, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 7e les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 nains, les 7 de table, les 7 PK Avengers. Oui. On est 4. Ouais, mais c'est pas grave, il y en a 3 qu'on connaît pas. Ils sont morts. Il y a 3 invisibles. Dans tous les cas, c'est le quiz, c'est pour ça qu'ils sont morts d'ailleurs, parce qu'ils ont perdu le quiz. Si vous perdez, vous avez des risques de mourir, apparemment. Oh, la violence Et c'est pas de chaud cette fois-ci. Et on en est addict à ton quiz, hein, d'ailleurs, parce que si tu finis pas par un quiz, on va être mal. Mais c'est vrai que c'est un peu du. Ouais, du BDSM, parce que vous aimez vous faire taper sur les doigts, mais vous venez. Bah, si on n'avait pas le quiz, on continuerait l'émission jusqu'à la mort. C'est vrai. Ouais. Donc ce quiz concerne forcément les addictions. Les addictions, comme je l'en ai parlé, il y a des noms assez sympas dans les addictions. Ah. Ou pas, ça dépend. Hein. Des noms qui ne veulent rien dire. Comme par exemple, la trichotillomanie. Ça doit être trichotillomanie. Tricot. Ça s'écrit T-R-I-C-H-O, mais c'est tricot. Eh ben oui, du coup, c'est quoi l'addiction? Et comme je dis addiction, c'est vraiment que c'est négatif. C'est par rapport à ton corps. Il n'y a rien qui intervient d'autre. Voilà, t'imagines un corps tout nu et tu peux faire quelque chose avec ton corps, tu peux faire beaucoup de choses avec ton corps. Tu tripotes quelque chose, je sais pas. Tu tricotes avec. Non, mais vraiment, oui, que tu ton corps, dans... quand t'as qu'un seul truc, ça s'appelle faire du crochet, c'est pas du tricot. Merci d'être là. Donc, d'après vous, c'est addiction à quoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps qui pourrait être une addiction, donc négatif, hein, forcément. Te masturber, ce n'est pas forcément négatif. Sauf si tu en fais trop. Ah, faut qu'on trouve une réponse, hein, y a pas. Faut qu'on trouve une réponse, y a pas de proposition. La tricot, comment? Trichotillomanie. La tricot. Trichot. Ouais, mais ça se prononce peut-être tricot. Non, parce qu'il y a un H. Non, mais. Ça peut quand même. Ça peut, hein. Non. C'est trichot. Si. J'ai mis Google Trad. Dans Google machin. Non, je sais pas. Google. Google vocal. Voilà, c'est ce que j'allais dire auditif. Là. Ok, Google, dis-moi. Comment s'appellent les personnes qui se. Voilà. C'est bon, vous avez tous quelque chose ? Oui. Daniel est en train d'écrire. Se fait du mal volontairement. Ah, c'est pas mal, se gratter les couilles. Oh, c'est moins bien. Non, non, j'ai mis se gratter. Ouais. J'ai mis se gratter les petits ouais, points de suspension. Kevin, hein. Il sèche. Ouais. Des scarifications ou je ne sais quelle autre chose, quoi. Alors, ça doit porter un nom. Je m'en rappelle plus lequel, mais c'est pas lui. Même si, dans l'absolu, je pense que ça doit faire mal quand même. Ça doit faire une petite sensation de douleur. Pas énorme, mais un petit peu. Bah, se les gratter, oui, ça fait mal. Oui, au bout d'un moment, oui, je pense que ça te les irrite. Hein. Si non, tu c'est t'es limé les ongles avant. C'est le fait de t'arracher les cheveux. Ah bon ? Mais tu sais, un par un. Il y a des gens, ils font ça. Quand ils se sentent mal, quand ils sont dépressifs et tout, ils s'arrachent les cheveux et ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Ils se dégarnissent des zones et ça repousse plus. Bon, ça va, Kevin, tu vas oui, pas. Si tu vas jusqu'aux racines. Hein. C'est ça. Hein donc je pense que ça doit faire une petite sensation parce que je pense que c'est jamais agréable de s'arracher les cheveux. Je sais pas, mais tu un par un, ça doit être. Bon, tiens, un peu. Mais un par un, ça doit pas être. Il y a certains endroits où ça doit faire mal parce que pour avoir des fois vu genre le poil du nez qui dépasse, que tu tires, que t'arraches, ça fait déjà tu mal. Tu pleures un peu. Il y a une petite larme qui coule, j'avoue. Mais oui, une maladie plus souvent répandue qu'on le pense et comment dire assez camouflée. Souvent, ils ont les cheveux longs et ils s'arrachent sur les côtés. Pas confondre avec ceux qui se rasaient la tête à fut une époque. La coupe mulet. Ouais, dégueulasse. Ouais, c'est la coupe mulet. C'est ça le problème. Qui a priori vient d'Australie d'ailleurs. A priori, la coupe mulet. J'ai jamais vu de mulet. Ils ont des agneaux, ils ont tout ça, mais mulet, c'est surprenant. En tout cas, ça rappelle que oui, des troubles de l'anxiété peuvent pousser à se faire du mal à soi-même. Voilà. C'est ça. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, pensez à l'aider d'une manière ou d'une autre. Ne lui demandez même pas, parce qu'elle va pas accepter forcément l'aide, elle va être même réticente. Mais faut toute façon, agir d'une je crois, certaine manière. Je crois que la seule chose que l'on puisse dire, c'est quand quelqu'un a comme ça, c'est carrément des addictions, ouais. Ne pas lui dire directement ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que non. Alors là, c'est. Tente de l'influencer non, c'est ou ça. Tente de l'aider non, faut, subtilement. Voilà, ouais. Faut pas attaquer bille en tête, prendre frontalement ou comme on veut. C'est très en difficile, parlant, comme ouais. Ils ont en difficulté, hein, les soutenir, ouais. Mais en tout cas de leur montrer autre chose. Ouais, il y a une addiction, on penserait pas que ça serait une addiction, on penserait pas que ça pourrait avoir des impacts négatifs, mais si, ça peut. Le sport. Le sport à pratiquer trop n'importe comment, à outrance, ça peut avoir des effets assez négatifs. Hein. On avait déjà vu des cyclistes, les jambes des cyclistes par exemple, avec les veines qui ressortent et tout à mort. Oui. C'est peut-être un peu trop quand même pour ton corps, si mon gars. Si tu veux toujours dépasser les défis et dépasser encore t'as plus. T'as le problème plus, de quoi. Certains bodybuilders aussi. Bien qui sûr. Vraiment, c'est ça. Mais ça, c'est au niveau de la prod, des prods qui prennent trop de substances voilà, et tout ouais. Ça. Mais même sans prendre de protéines, juste faire du sport, ça peut être dangereux. Trop en faire, trop demander à ton corps ou ce genre de truc, et ça porte un nom. Est-ce que c'est. Trois propositions, je pense quand même, attention. D'accord. Est-ce que c'est la bigorexie ? Non, ça c'est manger les chocolats chez Bigot. Ça c'est le Amboisien qui parle. Amboise, on a une petite chocolaterie qui s'appelle Bigot, effectivement elle est réputée. Venez pour Amboise pour je Bigot, veux ça vaut bien vous... la bigorexie. Pour une des stars aussi. C'est au pied du château, voilà, ouais, venez aussi pour une des stars. Bien sûr, ouais. C'est aussi au pied du château à 2-3 km. Au pied du cimetière. Donc. Est-ce que c'est la spartorexie ou est-ce que c'est la coursorexie? Ah, mais où c'est? Corso, bigorexie, spartorexie ou coursorexie. Merde, il écrit plus. Ah. Attends, sur ce monde, sur c'était ce monde une panne, c'était une panne. Nous avons la 2 pour Daniel. Une suite à l'arrière du peloton. Nous avons la bigot pour Kevin. Ça écrit pas beau bien non plus. Hein, oui. Mais c'est la spartorexie. Il y a une suite à est-ce cause que de... je vous ai pas bien niqué à cause du Sparte? Bah si. Spartacus. Hein. Ouais, mais ben non, du tout, c'est pas ça. Je l'ai totalement inventé. Non, c'est la bigorexie, vraiment. C'est dommage parce que la spartorexie, c'était quand même très bien vu là. Ça sonne vachement bien. Alors, moi, j'aimerais que je propose quelque chose. Qui change le nom. Voilà, comme t'as fait une très belle invention, j'aimerais que les gens de chez Larousse, là, s'ils nous écoutent pas, il y a quelqu'un qui pourrait leur dire ils d'écouter le podcast. Ils se rendent pas compte qu'en Amboise, il y a Bigot, quoi. Voilà. Ça va voilà. Pas du tout. Pour un Amboisien, bigorexie, c'est forcément un problème avec Bigot. Donc, non. Pour une fois que t'es dit à une idée intelligente. Ouais, et qu'il l'appelle la spartorexie en référence à la très intelligente idée de Teddy. Je déclare aujourd'hui qu'en Amboise, les addicts du sport, ça devient des spartorexies. D'accord. C'est un patois de chez nous. Voilà. Okay. Parlons film maintenant. Yes. Un film qui s'appelle Dungeon. Don Ron. C'est un film américain. Donc, Dungeons and Dragons. Non, pas non, pas ce jeu-là. Jeu très sympa, mais ça n'a rien à voir. D-O-N, espace, Don. J-O-N. Donjon. Dungeon. Ouais. Dungeon. Dungeon. Ouais. Je sais pas si ça se dit jeune vu qu'il manque le H. Mais bon. Si, si, ça se dit jeune aussi. C'est un film américain, j'ai déjà vu pas mal de bandes annonces sur ce film. Je pense que vous aussi, ça, si vous traînez des fois sur les réseaux, ça arrive. C'est pas Donjon à l'espagnol ? Je pensais à ça de base. Ça a effectivement un rapport, hein, je vous le cache pas. Ce gars-là, enfin dans ce film-là, le gars il s'appelle John Martello. Il a un petit problème avec une addiction particulière et qui, je dirais, touche un peu plus les ados que le reste du monde. Mais bon, si ça perdure, c'est que t'es vraiment addict. Hein. D'après vous, c'est une addiction à quoi ? Est-ce que c'est une addiction au porno ? Aux réseaux sociaux ? Ou au tuning ? Petit clin d'œil à Starter. Oui. Voilà. Donc oui, dans ce film, ils décrivent une addiction assez sympathique. Nous avons du porno pour Kevin, parce que forcément c'était le porno. Hein, Daniel, c'est les réseaux, et pour Thierry, c'est le porno. Thierry, tu m'étonnes. Non, je déconne, il n'y a pas d'âge pour regarder le porno. Donc. Non, mais j'ai pas tenu compte de ta remarque. T'as bien fait, t'as bien fait. Ado, c'est juste, alors, je me dis si ça ressemble à Don Juan. Bon, c'est vrai que là, tu nous as un peu déçus. Après ton coup d'éclat avec la Spartorexie. Tu tombes bien bas. Bah, je sais pas si je tombe bien bas ou si on révèle un secret tabou, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, elles sont beaucoup trop addictes au porno. Parce que oui, la réponse c'est le porno. Ah. Donc là, c'est un film qui tourne autour de ça, d'un gars qui a plus de 30 ans, hein, et qui, comment dire, a conservé son habitude, on va dire, d'ado. Parce que c'est vrai qu'on est ado, on en mate un peu du porno quand même. Bah, on se documente, voilà. Ouais, c'est bah, ça. On se documente. Déjà par curiosité. Mais bien sûr. Mais alors après ta remarque sur. L'âge. Plus les ados, je sais pas. Hein. Je dirais que ça se calme un peu. Parce que tu peux toujours en regarder, il n'y a pas d'âge pour regarder du porno. Mais tu te calmes un peu, parce que les ados, ils vont regarder quand même beaucoup. Ils en consomment beaucoup, c'est. Non mais là c'est une expérience perso là qu'il nous raconte là. Mais bien sûr. Non, c'est un fait général, hein, ouais, c'est pas, ouais. Voilà. Après je dis ado, c'est une fourchette un peu grande, hein, c'est un peu, il y a un peu plus de 18, c'est, tu vois, tu peux arrondir jusqu'à 25. Voilà. Après ça se calme. Après, les ados de 25 ans, je te dis pas. Voilà. Ouais, non, mais voilà, ça, si tu veux une fourchette, voilà, c'est ça qui regarde du porno, c'est les, je sais pas, 14 à 25 peut-être. Ouais. Si on veut faire une grosse fourchette. Peut-être plus je que pas les dans autres, cette généralité, ouais, mais par contre ça soulève un problème. Et ça soulève certains problèmes, comme le fait de penser que tout ce qui se passe dans les films porno c'est réel, tu veux refaire la même chose alors que eux c'est des acteurs, hein, entre guillemets. C'est, ça. C'est comme tu fais pas tes propres cascades, bah là c'est la même chose. Ouais. Tu fais pas les cascades des acteurs porno, non. Pareil. Non, la glissade sur la porte de l'armoire, non, tu la fais pas. Tu mets du pec citron, tu fais. Rien à voir. Donc oui, ce film est assez sympa là-dessus, hein, dans le sens où il va rencontrer une actrice porno, le gars. Il la connaît. Lui, il la connaît. Elle le connaît pas. Mais voilà. Enfin bref, il y a des petits quiproquos. C'est un film avec un peu d'humour, mais en même temps avec un fond de. J'aimerais bien faire ce que t'as fait avec John dans l'histoire des sept nains là. Je sais pas. Voilà. Non mais c'est pour dire qu'il la connaît, quoi. C'est ça. Mais c'est, il va se faire griller au bout d'un moment. Il y a un truc qui m'intéressait par rapport à la référence à Don Juan, où Don Juan, lui, en fait, il est addict à la séduction. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de faire de la comment dire, ça s'appelle Don Juan, mais il n'est pas totalement dans la séduction. Il va séduire un peu, parce que déjà, l'acteur est assez séducteur en soi. Je trouve pas que dans son rôle, il change un peu des autres rôles qu'il a. Enfin, il a joué, par exemple, dans Batman, il a joué dans la série The Dark Knight. Il a joué Robin, un Robin adulte, hein, qui est flic. Je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais bon, peu importe. Bah Robin. Enfin voilà. Il ressemble à son personnage. Tu vois, c'est un acteur qui a pas trop changé de style en changeant de film. Donc il a naturellement un petit côté séducteur, mais mignon. Dans ce film-là, il est un peu pareil. Pour le peu que j'en ai vu. Après, j'ai pas tout vu non plus le film. Oui. J'ai vu beaucoup d'extraits, j'avoue. Donc oui, ça en dit beaucoup sur mes bulles de Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont du porno, enfin, voilà. Donc je sais pas, je pense plus que c'est sur le fait de qu'il en regarde beaucoup, il consomme beaucoup, beaucoup trop, et ça va lui porter préjudice à un moment donné. Parlais pas du film que tu as vu, c'est parce que comme au début je me suis dit tiens, ça, le titre ressemble à Don Juan, et ça, je me suis dit tiens, en fait, Don Juan c'est quelqu'un qui est addict, mais en fait qui est addict à la séduction, parce qu'en fait une fois qu'il a les femmes dans son lit, il en veut plus. Ah, ça sert plus à rien. Il en veut plus, ouais. Donc il va retourner courtiser d'autres. Depuis. Mais c'est le problème de ma vie. Non, mais. Depuis, on a inventé les Kleenex. C'est violent. Et la main droite aussi, si on peut même. Bref, passons à la quatrième question. On en a parlé tout à l'heure. Tony Stark. Oui. Donc, qui est addict à la technology. J'aime bien dire la tech. Ça porte un nom, cette addiction. J'ai pas cherché depuis que tu l'as dit. Ben tant mieux, parce que moi je vais vous le demander. Donc d'après vous, il n'y a pas de proposition. Essayez de me formuler un truc marrant. Enfin, je sais pas. Faites marcher vos ménages, on va voir si vous trouvez. En théorie, il y a peu de chances que vous trouviez comme ça. Parce que c'est un nom vachement rien à voir. Ça commence même pas par un T. Pour vous dire. Bon, ben je crois qu'on va pas noter une réponse, on va juste l'attendre et on va essayer de la retenir. Si tu veux. Après, tu peux tenter un truc. Putain, ça écrit non, parce qu'on peut faire des trucs marrants, enfin, même des trucs de base technophiles, tu vois, qui aiment bien. Tu sais quoi, le truc le plus marrant aura le point. Ça vous va? Hein, Kevin, ça te va, ce genre de règles? Moi, je me méfie des règles. Sauf si t'as le vrai, hein, évidemment. Ouais, c'est les règles un peu la marbre. Mais bon, c'est vrai qu'il va être très dur à trouver. Donc, bon. Alors après. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais attends, honnêtement. J'ai écrit trop de pieds. Après, quelle racine latine ou grecque pourrait désigner la techno sans dire tech? Bon. Je pense que j'ai le début, mais j'ai pas la fin. Vas-y, dis-le, parce que j'arrive pas à le dire. Mono quelque chose. Mono quelque chose? Ouais, vu que je pense que le début c'est ça, mono, ça commence par mono, ça. Mono, ça veut dire un seul. Il a regardé son ardoise. Non. Le pratico. Quelque chose derrière, j'en sais rien. Pratico quelque chose. Le mono quelque chose. Et Thierry, tu as quoi? Bah le problème c'est qu'avant on entend le mot tech, on a envie de démarrer par tech, quoi. Ouais, ouais. Bah moi aussi j'aurais bien voulu, mais en vrai même pas. Non. Bah l'histoire de ton tricot, je sais pas quoi, avec les cheveux. Ouais, ça a rien à voir. Hein. Bah c'est ça. Tu tricotes pas tes cheveux. Bah ouais. Non. Est-ce que Thierry t'as une idée ou pas du tout? Oh non, un technivore quoi. Du coup c'est Kevin qui aura le point, parce que c'est Kevin qui se rapproche le plus de la vraie réponse. Mono t'étais pas loin, parce que ça commençait vraiment par alors non, c'est pas mono, c'est nomo. Mais c'est pas loin. Même chose. La nomophobie. Pourquoi phobie, je sais pas. Parce que phobie, c'est la peur. Nomo peut-être pour nomenclature technologique, où il y a des nomenclatures. Et quand tu fais de la technologie, théoriquement, que tu suis, tu es obligé de suivre une nomenclature, donc un listing. Ça vient peut-être de là. Une des rares fois où j'ai écouté en cours, vu que je sais que. Cinquième question. Je sais qu'un de mes profs nous en avait parlé. J'ai pas un point pour une explication qui est pas bidon. Non, je déconne. Là, c'est vraiment tiré par les cheveux, tu vas retomber dans l'autre phobie. Ouais, c'est ça. Après, il a zéro point. Non, laisse, j'ai envie de faire une Jolan. D'accord. Que mange. Ah, c'est pas fini. Emma Thompson. Hein? Ouais, enfin. C'est une américaine qui s'appelle Emma Thompson. Et elle a la particularité de manger quelque chose qui n'est, de base, pas comestible. Je dirais pas que ça va te tuer, même si elle a des problèmes de santé. Voilà, ça va pas te tuer, mais effectivement, c'est pas comestible. On sait pourquoi elle a des problèmes de santé finalement. Ouais. Oui, elle a des problèmes de santé à cause de ça, parce qu'elle en mange beaucoup et. Bah, faudrait qu'elle mange autre chose aussi déjà. Et bon, ça peut avoir des effets sur l'estomac un peu chelou en termes de place. Je peux pas décrire les symptômes. Plus tu me dis des choses, plus on est confus. Vous êtes plus perdu. Si vous voulez, ça a un rapport un petit peu avec la bouffe, dans le sens où vous en servez pour nettoyer quelque chose. Ah, qui a un rapport avec la bouffe. J'avais mis quelque chose, mais ça va pas. Ça devient compliqué. J'avais mis la terre parce que je sais qu'il y a des gens qui bouffent de la terre. Oui, alors ils bouffent de la terre, du charbon, du bois décomposé, ça porte un nom aussi, alors, ces gens-là. Du charbon pour digérer, on a des charbons actifs, oui. Mais bon, en petite quantité. Là, je sais pas s'ils sont actifs ou pas, mais traités, ouais. Bah, même pour se brosser les dents, avant à l'époque, fut une époque où c'était du charbon, effectivement ça marche, mais ce n'est pas ça. Ouh, bien trouvé celle-là. Piment? Oui, du piment. On a dit que c'était pas de la bouffe. Bah t'as dit que ça avait rapport avec vous de faites la bouffe, vaisselle avec du piment. Alors les condiments restent de la bouffe. Oui. Mais j'ai dit du piment quand même. D'accord. Il continue. Oui. Je serai. Non ouais. Donc oui, lessive pour Daniel. Effectivement lessive. J'ai de la lessive. Oh mon dieu. On lave pas des aliments avec. Enfin y a un laver rapport, des aliments. J'ai dit ça tout à l'heure. C'est un rapport avec le fait de laver quelque chose. La nourriture. Ça c'est un rapport. Putain. Tu laves pas directement l'aliment. Je peux changer? Vas-y. Thierry, t'as mis quoi? Non, mais c'est surtout que ça me fait peur parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle se fait? Qu'est-ce qu'elle se mange, ouais. Elle mange pas de la lessive. Il y a des gens mais qui mangent de la lessive. Les cartouches, c'était un challenge. Elle mange quelque chose. Ah oui, elle mange pas pour maigrir, genre pour que ça. Non, c'est qu'elle aime vraiment ça et elle peut pas s'en passer. Dès que tu lui dis le mot, faut qu'elle en mange une. Qu'elle mange ou qu'elle boive? Mange. Merde. Donc non, c'est pas du liquide vaisselle. Bon, je pense pas de questions, je laisse les tarés où ils sont. C'est en mode galère. Ça dépend du type de vinaigre. Si c'est un vinaigre ménager, non. Ouais. Alors, je vais pouvoir lire. Du bicarbonate. Bicarbonate. Ça s'utilise à la place de la poudre à lever, quoi. C'est pas mal. Je sais pas si on en mange. Mais ça c'est comestible. Par contre, il faut bien prendre le bicarbonate de sodium, celui qui se consomme. Pas le bicarbonate de sodium. Oui, je voulais finir avec du sodium, mais quand j'ai vu que mon truc écrivait plus, j'ai fait bon, vas-y, j'ai la flemme. C'est bien tenté, mais c'est pas marqué ça. Bicarbonate alimentaire. Oui, faut penser beaucoup plus simple. Vous en avez forcément chez vous, pas loin d'un évier. Mais bon. Une éponge, elle mange des éponges. Elle mange des éponges. Elle mange des éponges. Elle mange des éponges. Je pensais parce que il existe un rapport. Elle existe des éponges. Un rapport avec les aliments. Vous me prenez pas au mot. Hein. Dans la mer, il existe des éponges. Non, êtres vivants. Ah oui, mais non, elle mange pas ces éponges-là. D'accord, parce que les éponges synthétiques. Non, elle mange vraiment les éponges Spontex. Il fait trop chaud, on comprend pas tout en fait. En plus, si elles ont été utilisées, ça garde tous les micro-organismes. C'est dégueulasse une éponge. Elles sont pas utilisées. Ah non, mange une vingtaine par jour en moyenne et elle les aromatise quand même au liquide vaisselle, hein. Donc techniquement elle en mange quand même du pec citron. Alors méfiez-vous de ce dont on parle, j'ai peur que des gens imitent. Oui, non, imitez pas. Comme je l'ai dit au tout début, elle a des problèmes de santé et elle est addict, donc forcément ça engendre quelque chose d'assez négatif. Donc là au moins vous savez qu'il faut du pas le faire. Du pec citron, ouais, c'est ça. C'est entre guillemets, je vous dis bien entre guillemets, comestible, dans le sens où si tu le bois pas avec un verre ou avec une paille. Genre, s'il en reste un peu dans ton assiette. Si c'est mal rincé, voilà, c'est pas ça gênant. Ça passe. Voilà, tu vas pas mourir, t'auras peut-être un petit goût dégueulasse, voilà. Mais ça passe. Ouais. Par contre, l'éponge, avec le pec citron. Surtout pas. Elle a des problèmes de santé. Non, c'est très curé de fou. Non, mais je sais pourquoi. Oui, il y en a, ils tartinent du beurre sur le pain, elle a tartine le pec citron sur l'éponge. Alors, il y avait autre chose, hein. Fut une époque où tu pouvais déguiser les éponges en gâteau. Tu sais, tu les mettais et tout ça, et hop, tu donnais ça à tes copains, et ça faisait un challenge. Genre, tu vois, le copain il croque dedans, ah ouais, mais c'est dégueulasse. Et bah, elle a dû prendre ça au sérieux en fait. Et voilà, du coup, maintenant on les mange vraiment. Voilà. D'accord. Donc, oui, les éponges, si un jour vous bouffez des éponges. J'avoue que ça me fait peur. Allez vous faire soigner. Ouais, moi aussi. Allez vous faire soigner tout de suite. Hein, parce que... Oui, ça peut être dangereux, clairement. Ouais. Voilà. Ce qui peut être dangereux, c'est de pas écouter les podcasts. Hein, clairement, ouais. Je pense. Ah ouais. Ça donne quoi les scores? Ah, les scores? Moi, j'en ai rien à foutre. D'accord. Non, Kevin, moi j'ai 0. T'as moi, 3 j'ai... points. Oh, j'ai tant que ça? Thierry, t'as 2 points. Et moi, j'ai 0, j'ai fait une Jolane. Ouais, allez, nous avons une Jolane. Depuis le temps que je rêvais d'en faire une. C'est fait. Si jamais tu rêves de réécouter ce magnifique Jolane que tu viens de nous faire, va voir un podcast sur indestar.fr, Spotify, Deezer, ainsi de suite. Etc. Voilà, et c'est fini. Va, mon ami, sur indestar.fr, écoutez le podcast des PK Avengers. C'est ça. Voilà. C'est le meilleur. En podcast, vous pouvez aussi réécouter les émissions du lundi, par exemple, Starter de 21h à 22h. Écoute aussi les émissions de Starter. Voilà. Ou enfin, une fois que tu as réécouté toutes les émissions PK Avengers. Autant dire, il y a du temps. Oui. Et après, si t'as le temps, tu peux écouter avec Tusolite aussi le mercredi. Et très fun. Non, écoute d'abord les spéciales. Écoute les émissions qu'il y a 12 ans. Mais oui, Actu Solite, effectivement, le mercredi de 21h à 23h. Même la semaine prochaine, ils font une spéciale le vendredi en plus. Mais ils en veulent. Ils vont nous faire du 7 jours sur 7. Ouais, c'est ça. Ils sont motivés. Mais ils n'auront pas le jeudi. Tout ça pour. À chaque fois, une seule chose, hein. Toutes ces émissions sont là pour vous divertir. Et pour vous divertir, on a aussi quelque chose de sympa sur Indestar. Qui est Kevin. Non. Kevin, entre autres. Oui, la musique. Oui, parce que la semaine dernière, rappelez-vous, on nous a lancé un challenge de faire avec l'histoire de Korn et de la Muse, de faire un bootleg. Avec Korn Muse. Avec Korn Muse. Donc, l'idée est venue. Big D, on a embauché Big D, qui a fait un... Alors, bon, un artiste Indestar. Voilà, il a fait un bootleg en 3 heures. Donc, avec des éponges. Il a épongé pendant... Entre deux éponges. Et il a fait un bootleg entre un morceau de Korn. Ça commence par Korn. Et de toute façon, le dernier, c'est Muse. Donc, ça fait Korn Muse. Il n'y a aucun problème. Donc c'est le morceau de Korn, c'est I Break Alone, c'est ça? Break Alone. Ouais, c'est ça. Et le morceau de Muse, c'est Uprising. Donc oui. Big D a relevé le défi. Et on vous laisse avec ce magnifique bootleg de Big D. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bisous. Salut. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.